On enregistre. Si ça marche pas, c'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, nous enregistrons parce que nous pourrons mettre pour la suite l'enregistrement sur le site de Sophia Paul. C'est ce qui fera Delphine Mundo sûrement la semaine prochaine. Alors, j'ai préparé trois petites pages que je voudrais vous lire pour ouvrir la séance d'aujourd'hui. Je vais les lire pour ne pas partir dans tous les sens et vraiment consacrer 10 minutes à cette lecture d'introduction et vraiment pouvoir laisser la parole à Philippe Chagnal. Alors voilà, nous avons commencé le travail de lecture du séminaire sur la psychanalyse à Lambert de Jacques Lacan dans l'école lacanienne de psychanalyse le mois de mars. Voilà déjà 9 mois de marche avec la première patte. L'effort a été considérable. Nous commencions à sentir en tant que bipède la nécessité de la deuxième que nous avons heureusement installée le 26 octobre avec l'intervention de Cristóbal Farriol. En vérité, pas si heureusement que cela, parce que ce décalage nous condamne à voiter pour le chemin à venir. Vous voyez, Édipe n'est pas loin. Mais le nom de Pâtes est aussi un clin d'œil aux nombreuses apparitions dans les séminaires sur la psychanalyse à Lambert du signifiant Pâtes pour parler des 4 discours que Lacan tente de formaliser. Il parlera par exemple, juste pour donner un exemple, le 26 novembre 1968 de son appareil à 4 pattes. Si la première patte s'est inscrite sur un signifiant maître, celui de la lecture, la deuxième patte, cet espace de séminaire, est réglée sous le signifiant recherche. Il m'a semblé qu'une certaine sophistication, je le mets entre guillemets parce que je dis ça dans le sens de ce qui développe Barbara Cassan pour la sophistique. Alors, il m'a semblé qu'une certaine sophistication dans les dispositifs s'imposait pour pouvoir aborder le sujet qui est le nôtre et qui se dévoile avec cette deuxième patte, c'est-à-dire l'inconscient et social. Affirmation provocatrice, déjà par sa condition d'affirmation. Il aurait été plus acceptable de l'énoncer comme une question. L'inconscient est-il social ? Hein, on voit les titres de séminaires un peu partout, toujours avec les points d'interrogation à la fin, non? Or, un tel énoncé aurait été défensif. Il aurait cherché à se donner les airs d'ouverture à une discussion que, depuis les champs freudiens, je considère caduque. Puisque pour Freud, l'inconscient est social, c'est placer dans les discours de la psychanalyse, prendre référence du discours de la psychanalyse, nous situe d'emblée du côté de cette affirmation. Alors, il fallait commencer par le dire, c'est fait. Ce dispositif se veut donc un espace de dialogue avec des chercheurs d'autres disciplines voisines de la psychanalyse. Un espace d'échange, de rencontre. Même si Lacan nous a habitués à les avoir ratés. Ce n'est pas pour cela qu'on évitera d'essayer ce travail. Nous essayerons. L'illusion du gant est à l'horizon. Mais de quel type de gant s'agit-il? Non pas celui d'un savoir total, souvent évoqué lorsqu'il s'agit du travail interdisciplinaire, mais le gant de la trouvaille d'une limite. Au sens de ce qui borde un espace. Nous arriverons, voici l'illusion, à définir un peu plus les bordes qui séparent la psychanalyse des autres disciplines voisines, mais qui en même temps l'attachent nécessairement à elle. Et c'est là depuis Freud. Lacan l'accentuera davantage en nous laissant quelques indications. Et là, voici quelques-unes juste pour lancer la balle. Hein. Dans la science du 4 décembre 68, du séminaire d'un autre à l'autre, il précisera qu'en ce qui concerne la psychanalyse, il ne peut pas avoir une théorie de l'inconscient. Mais théorie de la pratique psychanalytique. Prétendre faire une théorie de l'inconscient, il dit, je le cite, c'est ouvrir la porte à cette sorte de déviation bouffonne. Qu'est-ce que c'est la porte à la déviation bouffonne? C'est la psychanalyse appliquée, qui a permis toutes sortes d'abus, dit Lacan, et il lit dans les paragraphes qui suivent, particulièrement, dit c'est appliqué à l'art. C'est Gérard Christophe, parce qu'il travaille sur ces champs-là. Pour saisir jusqu'à quel point les séminaires sur la psychanalyse à Lambert, vous voyez que j'ai dit la psychanalyse à Lambert parce que c'était le vrai titre du séminaire. Jacques Alain Miller a considéré opportun de modifier le titre et mettre Lambert de la psychanalyse. Hein. Pour saisir jusqu'à quel point le séminaire sur la psychanalyse à Lambert est avant tout une mise en cause de la psychanalyse elle-même, suffira de rappeler que Lacan replacera le statut même du complexe d'Édipe. Nous savons que c'est le terrain privilégié de la non-rencontre avec les anthropologues. Lors de la réunion du 18 février 1970, en commentant l'erreur de Freud face à Dora, il demandera « Et pourquoi Freud s'est-il trompé à ce point ?» Alors que si l'on en croit mon analyse d'aujourd'hui, il n'y avait littéralement qu'à brouter ce qu'on lui offrait dans la main. Pourquoi substitue-t-il au savoir qu'il a recueilli de toutes ses bouches d'or, Anna, Amy, Dora? Donc pourquoi substitue-t-il au savoir qu'il a recueilli de toutes ses bouches d'or ces mythes, les complexes d'Édipe? Et il termine, l'Édipe joue le rôle du savoir à prétention de vérité, c'est-à-dire du savoir qui se situe dans la figure du discours de l'analyste au site de ce que j'ai appelé tout à l'heure celui de la vérité. Fin de citation. Il m'a semblé que comprendre la portée épistémique de la théorie des quatre discours est le pas nécessaire pour écarter des malentendus majeurs, pas seulement entre l'anthropologie et sociologie, et la psychanalyse, mais aussi de la psychanalyse avec la pensée féministe. Il suffira de rappeler la réunion du 3 décembre 69 à Vincennes, où Lacan, interrompu encore une fois par quelqu'un qui crie dans la salle la nécessité de sortir de l'université, Lacan lui répond « Mais le dehors de quoi ?» Quand vous sortez, vous continuez à parler. Par conséquent, vous restez dedans. Et un peu plus tard, dans la même réunion, il dit, et ça c'est quelque chose de très cité, on le trouve un peu partout, l'aspiration révolutionnaire, ça n'a aucune chance d'aboutir. Ça n'a aucune chance à aboutir. Une seule. Toujours au discours d'un maître, comme l'expérience en a fait la preuve. C'est à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est un maître, vous l'aurez. Comment pourraient-ils donc, les anthropologues, sociologues, politologues, rester indifférents à la théorie des quatre discours de Lacan, avec laquelle ils renouvellent l'inconscient et social de Freud? Au fond, il y a une question que je vais ainsi poser à nos collègues anthropologues et sociologues. Je peux le dire dans un seul énoncé. Comment se fait-il que vous arrivez à penser le social sans la psychanalyse? C'est ça me remet en question. Alors, c'est la question que je poserai encore une fois à Philippe Chagnal aujourd'hui, que j'ai le grand plaisir d'accueillir dans notre espace de travail. Et c'est dit dans l'annonce du séminaire que Philippe Chagnal est maître de conférences de sociologie à Paris Dauphine, mais les choses changent et depuis très peu, quelques semaines, il est professeur de sociologie à l'Université de Caen. Alors je lui ai demandé à Philippe de nous expliquer fondamentalement les assises durkheimiennes de l'opposition individu-société, étant donné que nous avons besoin de comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Je crois qu'il fera ça et d'autres choses. On verra. Donc, Philippe, à toi. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire et moi non plus. Donc, tout va bien. Bon, je suis très heureux d'être ici. Puis, évidemment, je suis un peu mal à l'aise, au sens où le propos qui sera le mien risque d'être à une certaine distance des discussions que vous avez déjà eues. On va essayer d'éviter le ratage, mais si vous voulez, je vais essayer de me conformer le plus possible à la commande qui m'a été faite, c'est-à-dire de revenir sur cette opposition individu et société, voir dans quelle mesure elle est structurante de l'interrogation sociologique, si elle est également structurante de la sociologie, du père de la sociologie, de Durkheim en question, avec comme thèse que je pourrais présenter comme ça, une thèse qui vient discuter la thèse un peu implicite que Karina évoque, c'est-à-dire que si la sociologie marche avec ses deux pattes individu et société, inévitablement elle boite, et que si elle avait intégrer la question de l'inconscient et la dimension sociale de l'inconscient, la sociologie ne boiterait pas, elle courrait à toute allure en quelque sorte. Donc voilà, prendre ça au sérieux en évitant les anachronismes, c'est-à-dire questionner Durkheim du point de vue du thème de l'inconscient serait assez difficile. Il a une connaissance des débats de psychologie à son époque, avec ce qu'il reçoit de Janet, d'un certain nombre d'auteurs auxquels il s'intéresse. Donc il y a un vrai intérêt de Durkheim pour la psychologie, comme chez Mauss d'ailleurs. Mauss citera Freud et Durkheim bien sûr ne le fera pas. En tous les cas, ne pourra pas s'y intéresser pour les mêmes raisons, on pourrait revenir là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai repris ça, mais un peu tard, je voulais passer plus de temps et puis j'ai été saisi par le froid, donc je n'ai pas été très très productif. Mais si vous voulez chercher des occurrences assez précises sur la question, non pas de l'inconscient, le substantif inconscient, on ne le trouvera pas, hein, mais l'adjectif inconscient, jugement inconscient, représentation inconsciente, etc., on le trouve chez Durkheim d'une façon assez récurrente, notamment dans un texte vraiment important, constitue un texte philosophique, ou enfin, ce qui est passionnant chez Durkheim, c'est que il y a parfois un sous-texte philosophique qui est un peu caché, et puis il est parfois exposé. Et dans le recueil Sociologie et philosophie, le texte de 1898, Représentation individuelle et représentation collective, c'est une critique de la psychologie de son temps d'un point de vue sociologique, qui est vraiment un texte précieux. Hein, donc je vous conseille de le lire, et c'est vrai qu'en le relisant, ces occurrences, ces références à ce qui serait inconscient, ils sont fortement présentes, beaucoup plus que dans d'autres textes où on aurait du mal en quelque sorte à inscrire la question de l'inconscient. Bon, moi ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est peut-être deux choses. La première, c'est qu'il me semble que le projet sociologique de Durkheim, et on aurait envie de dire, si jamais ça existait, le projet de la sociologie, c'est justement de dépasser l'opposition individu et société. C'est-à-dire que c'est une opposition consacrée dans toutes les sciences de la société antérieure à la sociologie. J'essaierai de vous expliquer à quoi je fais référence dans un instant. Et que la sociologie n'a de sens que si elle montre que individus et sociétés sont coextensifs, c'est pour ça que je parlais dans le titre de la conférence de mariage, voire même de mariage sacré, l'adjectif sacré est important. Hein, que, je ne sais pas si on voulait prendre la sociologie de Durkheim, on dirait quoi? Pas l'inconscient est social, d'abord l'individu est social, il est de part en part social. C'est d'un certain point de vue l'évidence même, mais ce n'est pas une évidence si simple que ça. Ce qui préoccupe peut-être en bout de course Durkheim, c'est que la conscience est sociale. La conscience dans sa signification à la fois cognitive, hein, les concepts, la pensée, la raison est sociale, également la conscience morale est sociale, etc., etc. Donc c'est plutôt cet aspect-là. Et en définitive, ce qui est assez déroutant en y réfléchissant un petit peu, c'est que si la conscience est sociale, si elle vient de la société ou de la présence de la société en nous, elle s'installe en nous d'une façon inconsciente en quelque sorte. Et c'est parce qu'elle s'installe en nous d'une façon inconsciente que paradoxalement elle peut développer la capacité d'autonomie et qu'elle peut être au principe même justement de la conscience au sens classique de la conscience individuelle. C'est pas du tout contradictoire avec les perspectives psychanalytiques, mais c'est un chemin qui est un peu différent. Donc moi je voudrais essayer de faire deux choses: revenir sur cette opposition individu et société en sociologie en général, très vite dans l'œuvre de Durkheim en particulier, et peut-être vous dire après, et c'est un peu la conviction que j'ai eue hier soir, que la question de Durkheim, c'est pas tant de redéfinir et de dépasser cette opposition individu et société qu'au bout du compte de tenter de proposer une analyse, on pourrait dire dualiste, de qu'est-ce que c'est que l'individu ou l'individualité. Il n'y a pas d'un côté individu et société, c'est que l'individu lui-même est double. C'est la thèse classique depuis Pascal notamment, ni ange ni bête, de l'homo duplex en quelque sorte. Et moi ce qui m'a marqué là-dessus, on y reviendra rapidement parce que je n'ai pas pu l'approfondir, mais c'est cette opposition très forte, et surtout dans les derniers textes de Durkheim, notamment dans les formes élémentaires de la vie religieuse, de l'opposition entre individu et personne. Je pense que c'est ça qui est peut-être le plus intéressant pour vous. Mais donc c'est un parcours un peu renversé que je vous propose, et on va essayer de commencer donc en attaquant cette question de l'opposition individu et société. Cette opposition, est-ce qu'elle est structurante en sociologie? Malheureusement, oui. Ou en grande partie, oui. Lorsqu'on enseigne souvent, là, pour ceux qui ont suivi un cursus de sociologie, lorsqu'on enseigne la sociologie, dans beaucoup de manuels, qui ne sont pas mauvais, on met souvent en scène cette opposition entre deux façons de faire la sociologie, ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, d'un côté, les démarches individualistes, et de l'autre, les démarches holistes. Dans le premier cas, la tome logique de l'analyse, ce sont les individus, les parties, on va des parties vers le tout, les phénomènes sociaux, quels qu'ils soient, une grève, une manifestation, un séminaire, une organisation, résulte de l'agrégation, de l'addition de comportements individuels. Et puis dans une démarche holiste, vous le savez, je dis des choses toutes bêtes, on part du tout, et en tous les cas on ne peut comprendre les parties qu'inscrites dans une totalité qui les dépasse, des structures sociales, des structures de pouvoir, des systèmes symboliques, une culture, etc. Et donc cette opposition, elle est largement mis en scène dans la discipline. Elle l'est peut-être surtout par les partisans d'une démarche individualiste qui en viennent à considérer, et là on peut se rapprocher déjà un peu de Durkheim, que les sociologies dites holistes, elles font exister des entités qui n'existent pas. Elles sont atteintes de cette terrible maladie, d'ailleurs le terme avait été adressé à Durkheim lui-même, de sociologisme. On fait exister des entités collectives qui flottent comme ça, sans leur donner un ancrage concret. Et les individualistes peuvent dire, nous au moins, on part d'une base matérielle réelle, on part des individus tels qu'ils sont, des individus agissants, et c'est à partir de ça que l'on va pouvoir atteindre quelque chose qui pourrait ressembler au social. Donc, cette opposition individualisme et holisme, me semble-t-il, elle a en grande partie été mise en scène par les défenseurs d'une démarche individualiste et par leur opposition à une démarche holiste. Et derrière le sociologisme, dans les moments où ces débats-là sont un peu enflammés dans les années 80, le sociologisme est une forme de totalitarisme aussi. Il y a toute une dimension politique derrière. L'individualisme méthodologique a sa source aussi chez Hayek, chez un certain nombre d'auteurs libéraux, pour qui effectivement le fait de penser les totalités est déjà en tant que tel totalitaire. Et d'un autre point de vue, les partisans de démarches plus holistes ont un regard beaucoup plus critique sur des conceptions du sujet, de l'action, qui sont, vous le savez, d'abord, même si on peut les sophistiquer, des conceptions du sujet, des conceptions de l'action qui sont marquées par les modèles économiques. C'est-à-dire, on va partir d'un sujet déjà constitué, hein, qu'on n'a pas interrogé en quelque sorte. Il est déjà là, c'est les Robinsonnades des économistes en quelque sorte. Il est déjà là, il a ses désirs, ses besoins, puis surtout, à côté de ses désirs et ses besoins, il est armé d'une rationalité qu'on considère identique chez chaque homme, la rationalité économique, la capacité de calcul. Et c'est en mettant en scène ces individus déjà tout faits, en quelque sorte, qu'on se demande pourquoi ils établissent des ponts, ils établissent des liens avec d'autres individus. Et on montre en général qu'ils établissent des liens, des ponts avec d'autres individus parce qu'ils y ont intérêt, parce qu'ils ne peuvent satisfaire leurs besoins, leurs désirs tout seuls. Et que donc le lien social de ce point de vue-là, ou ce qu'il en reste, vous voyez que c'est d'une extrême pauvreté, le lien social est rapporté exclusivement au lien économique. Donc là, on a effectivement un modèle d'opposition individu et société qui est assez contrasté avec des individus préalables, en quelque sorte autoconstitués, autosuffisants ou en partie autosuffisants. Hein? Et la société résulte, ou le lien social résulte, en quelque sorte, de leur volonté éclairée, de leur volonté rationnelle d'aller vers autrui. Alors pourquoi j'évoque ça ? Parce que ce débat contemporain, qui a été quand même bousculé par toutes les sociologies de l'interaction, bousculé par tout un certain nombre de débats, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le consensus en sociologie, mais peut-être que c'est une idée un peu trop simplifié, c'est plus cette guerre de bataille entre, je sais pas, Boudon-Bourdieu, par exemple, comme ça a pu être dans la sociologie française, mais une sorte de compromis, de motion de synthèse un peu molle, d'interactionnisme un peu généralisé, hein, dans lequel, effectivement... Interactionnisme tout... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout est relation, avec l'idée que c'est dans la relation que se construit le social, que s'institue le social, etc. Donc on peut donner une place aux individus comme on peut donner une place au collectif. Et moi j'ai le sentiment que cette motion de synthèse est un peu molle et elle manque d'une certaine profondeur anthropologique et philosophique que l'on trouve justement chez Durkheim. Donc là je peux en revenir à Durkheim parce que ce que j'ai évoqué ici sur l'individualisme, c'est un point de départ absolument fondamental dans la sociologie de Durkheim. C'est-à-dire que pour faire exister la sociologie à l'époque de Durkheim, il faut la faire exister au moins, et je laisse de côté deux disciplines importantes, j'y reviendrai peut-être plus tard, la psychologie d'un côté, et puis la biologie de l'autre. Mais dans le champ des sciences humaines, pour faire exister cette aventure que l'on va nommer la sociologie, dont le terme, vous savez peut-être, il apparaît sous la Révolution française chez Sieyès. Sociologie, c'est vraiment la science des mœurs, ce qui va à côté de la science de l'État ou du droit ou de la loi, en quelque sorte. Hein. Puis ça disparaît, pouf, et puis ça revient avec Auguste Comte. Bon. Mais ce qui importe ici juste de souligner, c'est que cette question individu et société, elle est au fondement de la discipline, au sens où, pour faire exister la sociologie, c'est-à-dire une science de la société, c'est-à-dire une discipline qui prétend expliquer quelque chose sur... cette énigme, en quelque sorte, ou ce mystère que constitue l'ordre social. Pourquoi il y a de l'ordre ? Moi, je dirais bien, les choses comme ça, la question de toute science de la société, c'est qu'est-ce qui tient les hommes ensemble ? Qu'est-ce qui les attache les uns aux autres ? Je dis les hommes pour ne pas dire les individus, etc., etc. À cette question-là, il y a eu de multiples réponses. Et au moment où la sociologie tente de se constituer comme discipline, les deux formes de réponse qu'il s'agira en partie d'invalider, c'est celle de la philosophie politique d'un côté, et puis de l'autre, c'est celle de l'économie politique. On pourrait dire que la première science des sociétés, science de la société, elle émerge au XVIIe, XVIIIe siècle. On peut bien sûr s'intéresser à la philosophie antique, à la Renaissance, mais bon, commençons les choses ici. Elle s'opère dans le cadre des fameuses théories du contrat social. Et Durkheim, premier texte de Durkheim, c'est sur Rousseau, c'est sur Montesquieu. Première critique importante de Durkheim, ce sont ses critiques sur toutes les théories du droit naturel. Mais il y a bien cette idée à la question qu'est-ce qui tient les hommes ensemble ? La philosophie politique moderne, elle a une réponse très simple, c'est le contrat. C'est-à-dire, c'est par un contrat que les hommes ont décidé de sortir de cet état de nature qui était un peu inconfortable, un peu violent, plus ou moins, suivant les auteurs. La thèse de Hobbes n'est pas celle de Locke, n'est pas celle de Rousseau, etc., etc. Mais ce qui est mis en scène ici, c'est bien des sujets déjà en partie autosuffisants, en tous les cas pleinement constitués, qu'ils aient une nature sociale ou qu'ils ne l'aient pas, hein, peu importe ici, hein, qui décident justement rationnellement d'entrer en société, donc de se doter de règles, de lois, d'institutions, et notamment d'institutions de pouvoir, pour justement assurer les conditions de leur association. Hein, et le lien social est pensé comme un lien d'association politique. Hein, le sujet, c'est quoi? Quelle est l'anthropologie, au sens étymologique du terme, de la philosophie politique? C'est un sujet défini avant tout comme un sujet politique, comme un citoyen. Hein, et la sociologie de la philosophie politique, sa conception de la société, c'est quoi la société? C'est avant tout la communauté des citoyens, c'est avant tout une communauté politique. Hein, le lien social est pensé comme un lien politique. Mais ce qui suppose déjà des sujets pleinement constitués en quelque sorte, hein, qui sont préalables à l'ordre social, qui émergent de leur délibération. L'économie politique, c'est une discipline qui a, ou qui avait, et qui a toujours, et peut-être plus encore hier qu'aujourd'hui ou d'une autre façon, une ambition beaucoup plus large que celle de constituer une science spécialisée qui aurait pour objet de rendre compte des lois de la production, de la consommation, de l'échange. Si on essaie de penser au classique de la discipline, dans l'école évidemment écossaise, on voit bien que la prétention de l'économie politique, c'était pas simplement d'étudier les phénomènes économiques, sa prétention était beaucoup plus large, c'était de répondre aussi à cette question. Hein, qu'est-ce qui tient les hommes ensemble? Et la découverte, ou la prétendue découverte de l'économie politique, c'est que c'est pas un contrat, le contrat politique, qui permet de passer de l'individu à la société, pourrait-on dire. C'est pas un grand contrat, le contrat social, le pacte social, c'est une multiplicité de petits contrats, c'est-à-dire ces petits contrats au quotidien par lesquels les hommes échangent des biens et des services, ces multiples échanges marchands par lesquels, justement, ils se rendent dépendants les uns des autres parce qu'ils ont besoin les uns des autres pour satisfaire leurs besoins, pour satisfaire leurs désirs. Et donc, le mystère de l'ordre social, c'est pas compliqué. Pas besoin d'en référer à un grand contrat social qui, en plus, n'a jamais existé. Pas besoin de considérer que les individus sont des êtres vertueux, qui sont attachés au bien commun, etc., etc. Non, non. L'anthropologie des économistes, elle est beaucoup plus frustre. Hein, le sujet n'est pas avant tout un homo politicus, un citoyen vertueux, etc., etc. L'anthropologie des économistes, c'est l'anthropologie de l'homo economicus. Donc on a un sujet qui est constitué avant tout de ses désirs et de ses fins, sur lesquels on n'a absolument rien à dire. Hein, simplement, ce que l'on peut décrire et étudier, ce sont les moyens qu'il déploie, les moyens rationnels qu'il déploie, justement, pour satisfaire à ses besoins et à ses fins. Et donc, de ce point de vue-là, oui, l'économie politique a aussi prétendu constituer une science de la société, en disant la société, c'est pas compliqué, la société, c'est le marché. C'est le marché qui fait société. C'est à travers la multiplicité de ces échanges, hein, entre les hommes, hein, que se constitue jour après jour, on pourrait dire, hein, le lien social. Et donc le modèle du lien social, hein, il est à penser justement à partir du lien économique. Et c'est tout. D'un certain point de vue, la sociologie, elle a comme défi en quelque sorte de se constituer pour bousculer tout à la fois l'anthropologie, la conception de l'homme, animal politique, ou animal économique, de la philosophie politique et de la science économique, et contre la conception de la société, la sociologie qu'ils en déduisent, c'est-à-dire la société, c'est avant tout une communauté politique, la communauté des citoyens, ou la société, c'est avant tout un marché, que le marché à lui seul suffit à faire société, et encore plus la meilleure des sociétés, etc., etc. Mais c'est le point de départ de Durkheim dans sa thèse, c'est-à-dire dans la division du travail social qu'il publie en 1893. Ce texte-là, c'est avant tout une polémique, principalement contre les économistes, et notamment contre tous les sociologues qui s'inscrivent dans le cadre de cette conception économiste des relations humaines et des relations sociales, principalement Spencer, Hein, c'est un texte polémique vis-à-vis de Spencer, dans lequel il s'agit de montrer que, ben non, la société, le marché ne fait pas société, ce dont on peut se rendre compte d'autres aspects. Lorsqu'on commence à évaluer les effets de la révolution industrielle, du développement du marché, à l'époque de Durkheim, bien avant, il y a quelque chose qui s'est appelé le socialisme, dans le courant duquel Durkheim s'inscrit aussi en partie, hein, où on peut bien se rendre compte que le plein développement du marché ne fait pas société. Enfin, il est moins un synonyme d'ordre social que de désordre social, il est moins synonyme d'intégration sociale que de désintégration sociale. Donc le caractère des sociétés, la nature des sociétés, ne peut pas être cherché, justement, avant tout, dans le lien économique. Il le dit très clairement, je vous cite ce petit passage-là, parce qu'il va être important pour la suite. Il dit, voilà, à la différence de ce que nous dit M. Spencer, les sociétés auraient pour base unique le vaste système de contrats particuliers qui lie entre les individus. La société, c'est un ensemble de contrats, en quelque sorte. Ceci ne dépendrait du groupe que dans la mesure où ils dépendraient les uns des autres, et ne dépendraient les uns des autres que dans la mesure marquée par les conventions privées et librement conclues. Le contrat met en scène des individus égaux, des individus libres et des individus rationnels. La solidarité ne serait donc autre chose que l'accord spontané des intérêts individuels, accord dont les contrats sont l'expression naturelle. Le type des relations sociales, c'est la relation économique. En un mot, la société ne serait que la mise en rapport d'individus échangeant les produits de leur travail, c'est ça la société, c'est la commercial society, c'est ce modèle, cette conception de la société qui émerge à partir des Écossais, la société comme société civile distincte de l'État, c'est comme ça qu'on s'émancipe de la philosophie politique, pour affirmer l'autonomie de la société. En un mot, la société ne serait que la mise en rapport d'individus échangeant leurs produits, les produits de leur travail, et sans qu'aucune action proprement sociale vienne régler cet échange. C'est le modèle de la société comme une harmonie naturelle ou spontanée des intérêts. Question de Durkheim, est-ce bien le caractère des sociétés? S'il en était ainsi, on pourrait, à raison, douter de leur stabilité. Car si l'intérêt rapproche les hommes, ce n'est jamais que pour quelques instants. Il ne peut créer entre eux qu'un lien extérieur. Dans le fait de l'échange, les divers agents restent en dehors les uns des autres. On verra que c'est fondamental pour Durkheim. Il n'y a lien que si les individus ne sont pas en dehors les uns des autres. Et l'opération terminée, chacun se retrouve et se reprend tout entier. Les consciences ne sont que superficiellement en contact. Parce que pour Durkheim, il y a du social lorsque les consciences ne sont pas superficiellement en contact. La vie commune, justement, c'est cette synthèse des consciences individuelles qui fait advenir quelque chose d'assez particulier qu'il va appeler la conscience collective, en quelque sorte. Et il poursuit. « Car là où l'intérêt règne seul, comme rien ne vient réfréner les égoïsmes en présence. » On y reviendra, c'est fondamental. La question, justement, des égoïsmes et l'importance de la vie commune, du social, de la société pour venir réfréner ces égoïsmes. Car là où l'intérêt règne seul, comme rien ne vient réfréner les égoïsmes en présence, chaque moi se trouve vis-à-vis de l'autre sur le pied de guerre. C'est-à-dire qu'avec la relation économique, l'échange marchand, on n'est pas sorti de l'état de nature. On est toujours dans l'état de guerre, d'une façon ou d'une autre. L'homme y est toujours un loup pour l'homme, en quelque sorte. Et toute trêve à cet éternel antagonisme ne saurait être de longue durée. L'intérêt est, en effet, ce qu'il y a de moins constant au monde. Aujourd'hui, il m'est utile de m'unir à vous. Demain, la même raison fera de moi votre ennemi. Une telle cause ne peut donc donner naissance qu'à des rapprochements passagers et à des associations d'un jour. Or justement, la société, pour Durkheim, ce n'est pas des rapprochements passagers. Une société, ce n'est pas une somme d'associations d'un jour. Elle suppose justement de reposer sur des bases plus pérennes, sur des bases beaucoup plus solides. Donc, quelle va être, de ce point de vue-là, l'alternative, en quelque sorte, de Durkheim? Vous la connaissez. Elle va consister à considérer que, non, l'ordre social n'est pas avant tout un ordre politique, l'ordre social n'est pas avant tout un ordre économique, l'ordre social est d'abord et principalement un ordre moral. Et toute la sociologie de Durkheim est vraiment de la division du travail social aux textes les plus... au dernier texte de Durkheim, dans les formes élémentaires, ou des textes que vous trouvez dans Sociologie et philosophie, etc., etc., marque bien cette continuité. C'est-à-dire que la réflexion fondamentale de Durkheim sur le social, sur le lien social, c'est une réflexion sur le lien moral, c'est une réflexion sur l'autorité morale, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des choses très très simples. Hein, la texture même du lien social, elle est faite justement de ces obligations, de ces devoirs que les hommes s'imposent les uns vis-à-vis des autres, hein, pour justement constituer une unité qui les dépasse, et pour justement, et c'est ça l'idée même de l'attachement chez Durkheim, hein, le lien social, c'est le fait de s'attacher à autre chose qu'à soi-même. Et cette notion d'attachement, on peut en saisir vraiment toute la force dans ce texte fameux que vous connaissez bien, dans le suicide. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit en substance dans le suicide ? Il nous dit que la possibilité pour, même pour que l'homme vive, c'est-à-dire donne du sens à sa propre existence, se dise pas à quoi bon. Pour lui, le suicide, c'est ça. C'est à un moment donné, on se dit à quoi bon ? Eh bien, la possibilité même que l'homme puisse s'attacher à sa propre vie, c'est qu'il soit attaché à autre chose qu'à lui-même. Si l'individu n'est attaché qu'à lui-même, en quelque sorte, eh bien, sa vie ne tient qu'à un fil. Et donc, qu'est-ce qui fait que sa vie puisse avoir à ses yeux de la valeur, et qu'il puisse tenir à sa vie ? Eh bien, l'homme tient à sa vie dans la mesure où il tient aux autres. Ou pour le dire autrement, il tient à sa vie également dans la mesure où les autres le tiennent, où il tient à la société et où la société le tient. L'homme est attaché à lui-même dans la mesure où il est attaché aux autres. Et moi j'aime bien l'idée d'attachement parce qu'il est double évidemment. Il est attaché aux autres au sens où il a des sentiments positifs vis-à-vis des autres, je sais pas, des parents vis-à-vis de leurs enfants, des croyants vis-à-vis de leurs églises, des citoyens vis-à-vis de leur nation, des travailleurs vis-à-vis de leur groupe de travail. Ouais. Il y a cet attachement au sens de l'attachement, on va dire, moral et sentimental. Et puis, il y a le fait d'être attaché, un peu ligoté en quelque sorte. Hein, donc, il y a à la fois la dimension de contrainte, si vous voulez, et puis également, et les deux sont pensés ensemble chez Durkheim, c'est justement ça la force. Hein, c'est les autres, le groupe, la société, tous ces termes sont synonymes chez Durkheim. Hein. C'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous attache. Et en même temps, c'est ce qui nous contraint, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous discipline en quelque sorte. Et dans le cas du suicide, oui, la démonstration, elle est exemplaire. C'est-à-dire lorsque le lien se relâche, lorsque l'homme n'est plus attaché à autre chose qu'à lui-même, bah dans ce cas-là, au moindre pépin, on peut dire ça comme ça, hein, dans sa vie personnelle, il aura de plus fortes tendances à commettre l'acte de suicide, ce qui lui permet donc de dire que l'acte le plus individuel qui soit, la décision de mettre fin à ses jours, on peut expliquer dans quelle mesure elle peut avoir des causes sociales ou renvoyer à une certaine nature de la société, c'est-à-dire à une certaine nature des liens sociaux. Hein, le rapport à soi, la qualité du rapport à soi est indissociable de la qualité du rapport aux autres. Eh bien, en disant ça, vous le voyez bien, la question de l'opposition entre individu et société, elle ne paraît pas cardinale dans la perspective de Durkheim, au sens où elle paraît complètement dépassée. C'est-à-dire que l'individu, pour exister, pour donner un sens à sa propre vie, hein, il doit justement, il ne peut, il faut même, hein, qu'il puisse être, et c'est les deux concepts qu'il emploie, hein, hein, qu'il puisse être intégré à un groupe social. L'intégration sociale, ce terme-là, il est très galvaudé aujourd'hui sur les débats multiculturalisme, etc. Être intégré, ça ne veut pas dire, vous voyez les débats là sur le récent rapport, simplement parler la même langue, obéir aux mêmes coutumes, etc., etc. Être intégré, ça veut dire être attaché, au double sens du terme. Hein, avoir une place dans, hein, c'est justement être attaché à autre chose qu'à soi-même. C'est l'idée fondamentale, systématique de Durkheim. Donc, le concept d'intégration sociale, il conduit de cela, hein, et donc il permet de penser la socialisation, évidemment. Et puis l'autre concept fondamental pour penser le lien social chez Durkheim, vous le savez, c'est la notion de régulation sociale. C'est-à-dire que la société, c'est aussi un pouvoir qui règle l'individu. Mais dans les deux cas, l'individu, il peut pas vivre. Au sens pas vivre, ça veut dire qu'il ouvre la fenêtre et il se... D'accord ? Il ne peut pas vivre, justement, sans les autres, sans la société, sans différents groupes. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça aussi, qu'on évite comme ça de d'essentialiser la société. La société, chez Durkheim, ça va être la société familiale, ça va être la société religieuse, le fait d'appartenir à une église, ça va être la société nationale. C'est pas obligatoirement cette figure de l'État, cette figure de la nation. La société, ça, elle a différentes déclinaisons. Mais en tous les cas, voilà, l'idée qui me semble essentielle, c'est justement celle-ci. Et dans ce cadre-là, dès lors que l'on peut considérer que l'opposition est ainsi surmontée, du moins au sens où on ne peut pas penser l'individu sans la société, parce que l'individu sans la société, il est mort. J'ai envie de le dire comme ça. Hein, si on pousse les choses plus loin. Il faut aussi évoquer les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire il n'y a pas d'individu sans société, et en même temps, bien sûr qu'il n'y a pas de société sans individu. Et on va ensuite creuser rapidement la notion d'individu ensemble. Durkheim le répète, la société, oui, elle n'est composée que d'individus. C'est pas quelque chose qui flotte comme ça dans les airs. Mais toute la question devient alors celle-ci. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'individu ? J'en reviens tout à l'heure. Mais l'autre conclusion que Durkheim tire de cette idée-là, Elle est celle-ci, c'est-à-dire que affirmer que la société n'est composée que d'individus, que sa matière première en quelque sorte, ce sont des corps vivants, des êtres vivants, des principes actifs, ça ne signifie pas que la vie sociale n'aurait comme seul substrat la conscience individuelle. C'est ça la question fondamentale de Durkheim. Bien sûr que la société, ça n'existe pas comme ça, vous n'êtes jamais allé au restaurant avec la société, mais quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que la vie sociale n'a d'autre substrat que la conscience individuelle. Enfin, par rapport à la psychanalyse, ce qui est peut-être intéressant, c'est ça, c'est que, justement, la polémique, c'est avec la question de fait individualiste, c'est-à-dire de se donner comme point de départ, comme seul existant, en quelque sorte, la conscience individuelle. Ben non, dans le monde, meuble le monde, d'un point de vue, on pourrait dire, ontologique, il y a des consciences individuelles, très bien, qui marquent la singularité de chacun, puis il y a autre chose, qui s'appelle la conscience collective. Et toute la critique de la psychologie, elle s'organise là-dessus. C'est-à-dire de penser l'articulation. Donc vous voyez bien le déplacement d'individu à société, on arrive à cette opposition entre conscience individuelle et conscience collective. Ce qui veut dire que la société, elle apparaît comment ? Elle apparaît dans le sujet, dans l'individu, à travers la conscience collective. Et le paradoxe de Durkheim, c'est un peu ça, c'est que très très bizarrement, la société apparaît dans ce qu'il y a de moins social, c'est-à-dire l'individu. Mais elle ne peut pas apparaître autrement que dans le substrat le moins social qui, justement, est l'individu. Ça, je trouve que c'est une idée qui peut être intéressante pour vous. Mais une fois qu'on a évoqué cela, il me semble que je reste encore à Durkheim, je prends encore 10 minutes, puis après j'arrêterai pour qu'on puisse discuter. Le paradoxe, si vous voulez, de Durkheim, c'est tout en montrant que l'individu n'existe en quelque sorte et ne peut vivre que dans la mesure où il est socialisé, c'est-à-dire où il est attaché à autre chose qu'à lui-même, en même temps. Et ça, c'est ce qui me paraît assez essentiel. Ça peut permettre peut-être d'éviter quelques contresens. Affirmer cela, ça ne veut pas dire adopter une démarche fondamentalement holiste. Au contraire, la démonstration de Durkheim, elle est complexe parce que ce qu'il veut essayer de mettre en valeur, justement, et ce qu'il veut essayer d'inscrire dans le contexte de l'affaire Dreyfus, dans le prolongement de la Révolution française, dans le courant intellectuel kantien auquel il appartient, ce qu'il veut justement pouvoir mettre en valeur, c'est la légitimité de l'individualisme d'un point de vue normatif, la légitimité de l'individualisme d'un point de vue moral. Durkheim nous montre dans quelle mesure l'individu ne peut vivre sans les autres, ou sans se plonger, sans se baigner dans la vie commune, mais en même temps, s'il le fait aussi, c'est pour essayer d'asseoir d'une autre façon que la philosophie politique, que les théories du contrat des droits naturels, l'idée d'autonomie, l'idée de liberté. Et sur ce point-là, je voudrais essayer d'avancer quelques éléments qui me paraissent importants. Cette question de l'individualisme, elle apparaît très tôt dans la réflexion de Durkheim, avec cette opposition fondamentale pour lui entre l'individualisme et l'égoïsme, qu'il reçoit de Tocqueville, de toute une tradition, etc., ou bien sûr de Kant lui-même. Et d'un certain point de vue, le paradoxe auquel Durkheim est confronté, c'est que d'un côté, il nous dit bien, la société, elle est hiérarchiquement première, c'est-à-dire les liens qui se tissent au sein d'une vie commune, de la vie collective, sont premiers. Et donc l'individu, Durkheim le dit à plusieurs reprises, c'est jamais le point de départ, c'est toujours le point d'arrivée. C'est jamais le point de départ, c'est toujours le point d'arrivée. Donc le paradoxe de Durkheim, il est ici. Il pose que la société est hiérarchiquement première, même si elle n'est faite que d'individus. Que l'individu, de ce point de vue-là, il est produit socialement dans le processus même de sa socialisation, etc. Qu'il ne réalise pleinement sa nature qu'en s'associant, voire qu'en communiant avec autrui, eh bien, comment dans le même temps le système de croyances, de représentations collectives et de valeurs modernes qui fait de l'individu l'objet d'un culte, le culte moderne de l'individu, celui des droits de l'homme, etc., la Révolution française, est-ce qu'il peut encore répondre aux besoins et aux conditions constitutives de l'ordre social ? La préoccupation de Durkheim, à partir de ces éléments plus théoriques généraux que j'évoquais, est quand même celle-ci. C'est-à-dire que, est-ce que l'individualisme, au sens de l'individualisme moderne, le processus de différenciation des types individuels par rapport aux types collectifs, donc une forme d'émancipation, en quelque sorte, de singularisation, est-ce que ça fait société ? Dans ce cadre-là, ce paradoxe, Durkheim va l'affronter sur l'ensemble de son œuvre, du début à la fin. Et d'ailleurs, son projet de thèse qui a donné lieu aux formes et à la division du travail social, c'était à l'origine une thèse de philosophie, qui est une thèse de philosophie politique d'ailleurs. Son projet, c'était de travailler sur les rapports entre l'individualisme et le socialisme. L'individualisme... en termes de doctrine politique, se renvoyait essentiellement à l'époque, lorsqu'on parlait d'individualisme, on évoquait principalement les économistes. C'était eux les individualistes, les manchestériens, laissez-faire, laissez-aller, etc. Et puis donc, voilà, la question de la confrontation de ces deux doctrines, individualistes d'un côté, socialistes de l'autre. Et c'est en travaillant en quelque sorte sur l'opposition de ces deux types de doctrines qui découvre que la question, c'est davantage celle du lien entre individualité et solidarité. C'est comme ça qu'il l'a retraduit. Et l'origine, c'est une réflexion proprement philosophique, de doctrine en quelque sorte, qui ensuite élargit à cette articulation entre individualité et solidarité et qui donne lieu à cet ouvrage de la division du travail social. Dans la division du travail social, qu'est-ce qu'il fait, Durkheim ? Il essaye de sortir de ce paradoxe. Il le fait de la façon suivante. C'est-à-dire que dans nos sociétés dites modernes, oui, l'individu est paradoxalement plus personnel, plus différencié. Moi, c'est moi, toi, t'es toi, comme disent les jeunes. Il est plus différencié et en même temps, il est plus solidaire. Il est plus singulier et en même temps, il est plus dépendant. Et comment on peut sortir de ce paradoxe ? Ben voilà, en montrant que la division du travail moderne, la division moderne du travail, elle assure tout à la fois l'individualisation. On n'est plus dans des sociétés pensées, c'est le modèle, vous le savez, de la fameuse solidarité mécanique, où tous les hommes se ressemblent, qui s'assemblent se ressemblent, un peu le modèle d'une horde indifférenciée, le modèle des sociétés segmentaires. On n'est plus dans une société où tout le monde fait tout, en quelque sorte, mais chacun se spécialise, et se spécialisant dans une activité, dans une fonction, il se singularise, mais tout en se singularisant, sa singularisation fait qu'il est plus dépendant des autres, puisque ce qu'il ne fait pas, d'autres doivent le faire pour satisfaire à ses propres besoins, etc. etc. Et donc, voilà, il y a une apparente antinomie, au sens où cette division du travail assure l'individuation, l'indépendance, l'émancipation tout aussi bien que leur commune interdépendance, hein, sous la forme de cette fameuse solidarité organique. Et donc, le développement de la personnalité individuelle, j'arrive dans ces questions dans les 10 minutes qui vont me rester, hein, la personnalité individuelle, elle se développe justement avec la division du travail. Le processus d'individualisation n'est que la conséquence du processus de différenciation sociale. Donc, l'individu tel que nous le connaissons, l'individu singulier, etc., etc., il n'est pas de nature, en quelque sorte. Il est bien, en ce sens-là, le produit d'un processus social de différenciation, etc., etc. Mais la question, c'est de savoir, voilà, avec cet individu-là, est-ce qu'on peut faire lien ? Oui, on peut faire lien. Mais en même temps, dans ce texte, Durkheim refuse de considérer cette nouvelle religion de l'homme, hein, le fait que dans nos sociétés modernes, nos sentiments les plus forts, nous ne les éprouvons plus pour la société, mais les sentiments collectifs les plus forts qui sont les nôtres, ils sont dirigés vers la personne individuelle. Hein, vous avez un texte super là-dessus, dans la leçon de sociologie sur l'homicide. Il montre bien comment, dans les sociétés traditionnelles, les sentiments collectifs les plus forts, ce sont les sentiments, justement, qui vont vers le collectif. Et donc, les actes les plus ignobles, donc qui sont réprouvés avec la plus grande violence, sont ceux qui portent atteinte à tout ce qui symbolise le collectif. Les actes de sacrilège, de profanation, etc., puisque s'attaquer à la religion ou au chef politique, c'est de s'attaquer au collectif, en quelque sorte. Et donc, l'homicide, le meurtre, tout le monde s'en fiche, en quelque sorte. Il ne fait pas l'objet de sanctions spécifiques, d'un droit pénal organisé, etc., etc. Dans nos sociétés modernes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans la mesure où les sentiments collectifs se focalisent sur la personne individuelle, hein, le crime le plus ignoble, c'est l'homicide. C'est l'atteinte à la personne individuelle. C'est une sorte d'autre profanation, hein, puisque le culte nouveau de nos sociétés modernes serait le culte de la personne individuelle. Mais dans ce texte-là, évidemment, qui est un texte du premier Durkheim, si vous voulez, cette religion de l'homme, elle ne constitue pas le lien social véritable. Elle ne peut pas, elle seule, constituer le lien social véritable. Et 4 années plus tard, avec la publication du Suicide, Durkheim développe un argument un peu différent. C'est-à-dire que le culte de l'individu, il ne le définit plus comme un culte privé qui pourrait être destructeur de toute existence collective, ce qui est encore le cas dans la division du travail social. Il est reconnu, au contraire, comme une figure centrale de la moralité publique, comme une foi commune. Il écrit « La personne humaine est devenue chose sacrée, et même la chose sacrée par excellence. » Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est contemporain du texte sur l'homicide. « L'homme est devenu un dieu pour les hommes. » Et la référence ici au sacré, bien sûr qu'elle n'est pas métaphorique. Ce processus de symbolisation, c'est un processus bien réel, qui implique des effets réels, notamment, pour y revenir, la condamnation du suicide comme un sacrilège, qui, nous dit Durkheim, nous scandalise par cela seul qui viole ce caractère sacro-saint qui est en nous et que nous devons respecter chez nous comme chez autrui. Par l'acte du suicide, c'est aussi la société qui est lésée, dans la mesure où cet acte porte offense à ce sentiment collectif sur lequel reposent aujourd'hui ces maximes morales et qui constitue désormais presque l'unique lien qui unit les hommes. Et de la même façon, je l'évoquais sans le développer, porter atteinte au droit du citoyen Dreyfus constitue un acte sacrilège. Durkheim écrit « L'individualiste qui défend les droits de l'individu, comme lui, défend du même coup les intérêts vitaux de la société, car il empêche qu'on appauvrisse criminellement cette dernière réserve d'idées et de sentiments collectifs qui sont la même de la nation. » Donc la référence au sacré, elle n'est pas ici métaphorique. L'homme est un dieu pour l'homme, qui est le titre que j'avais donné à la communication, homo homini deus, et non pas homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Ce qui signifie bien ici pour Durkheim, contre Hobbes, et avec Tocqueville pourrait-on dire, que l'individualisme, ce qui le distingue de l'égoïsme, c'est justement sa force de lien. Et donc que ce culte de l'homme, loin de détacher les individus de la société, il les unit. Loin de concentrer chaque sujet particulier sur lui-même et sur ses intérêts propres, il exige au contraire de le subordonner aux intérêts généraux du genre humain. Bref, ce culte-là tire l'individu hors de lui-même, c'était la question fondamentale, attache l'individu à autre chose qu'à lui-même, paradoxalement, en lui assignant une fin non pas personnelle, mais impersonnelle. Une fin non pas intéressée, égoïste, mais désintéressée. Le culte de la personne humaine. Et dans les textes postérieurs, hein, je fais ce cheminement pour arriver et conclure sur la définition individu-personne, il y a un autre article vraiment très important à lire, l'article de 1906, Détermination du fait moral, que vous avez dans Sociologie et philosophie, puis un autre texte qui est en quelque sorte l'annexe philosophique des formes élémentaires de la vie religieuse que vous trouvez dans De la science sociale à l'action, qui a pour titre Le dualisme de la nature humaine, 1914, eh bien, dans ce texte-là, Durkheim va préciser son argument et va tenter de dénouer plus systématiquement encore cette opposition individu et société. Hein ? Car qu'est-ce qu'il dit ? Dans Détermination du fait moral, il revient à sa préoccupation première. Les faits sociaux sont des faits moraux. Bon. Et si la morale, nous dit-il dans ce texte de 1906, ne commence que quand commence le désintéressement, s'attacher à autre chose qu'à soi-même, hein, eh bien, le désintéressement, il ne peut avoir de sens que si son objet ou son sujet a une valeur plus élevée que celle des individus empiriques. Et donc cet objet ou ce sujet de l'activité morale, il ne peut qu'être ce sujet sui generis, ce sujet formé d'une pluralité de sujets individuels, le sujet individuel associé, qui constitue un groupe, ce sujet ne peut être que le sujet collectif. La morale commence là où commence la vie en groupe, parce que c'est là seulement que le dévouement et le désintéressement prennent un sens. D'où toute l'importance pour Durkheim des sentiments de sympathie, toute l'importance pour Durkheim de cette capacité à souffrir des souffrances d'autrui. Dès lors, pour lui, tenir à la société, c'est pas tenir à la société empirique. Argument, Durkheim, il est conservateur, etc. Non, tenir à la société, c'est tenir à l'idéal social. Hein? Et dans cet idéal social, il y a un peu de chacun. Hein? Vouloir la société, c'est autant vouloir quelque chose qui nous dépasse que, au bout du compte, bien sûr que nous vouloir nous-mêmes. C'est cette idée ici, on voit bien comment les choses se déplacent, que la société, elle nous est à la fois transcendante et immanente. Et voilà ce que peut écrire Durkheim et qui intéresse directement le thème de notre discussion. Bien loin qu'entre l'individu et la société, il y ait l'antagonisme qu'on a si souvent admis, en réalité, l'individualisme moral, le culte de l'individu, est l'œuvre de la société. C'est elle qui a fait de l'homme un dieu, c'est elle, la société, qui a fait de l'homme un dieu, dont elle est devenue la servante. C'est donc bien une sorte de mariage sacré, ce que j'évoquais dans mon titre, entre individu et société, que met en scène Durkheim, mais ce mariage sacré de l'individu et de la société, il ne conduit pas à une absorption du premier, l'individu, dans la seconde, la société. Ce mariage, il est pour Durkheim, à la différence d'autres mariages souvent, une promesse de bonheur, une promesse de libération. Car Durkheim, vous voyez bien, sa conception de la liberté, elle est beaucoup plus subtile que la conception libérale. C'est-à-dire, la liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes. La liberté, elle n'est pas avant tout négative. Le fait de pouvoir justement poursuivre ses propres fins sans être gêné par la présence d'autrui, etc. etc. Non. Durkheim ne réduit jamais la liberté à l'absence de contraintes. Il écrit « Se libérer pour les hommes ». Il faudrait creuser ces idées-là, qui sont peut-être les plus intéressantes pour vous. « Se libérer pour l'homme, c'est s'affranchir des forces physiques, aveugles, inintelligentes. » Ça veut dire, pour Durkheim, se libérer de la nature, principalement. Ça veut dire se libérer de notre statut de sujet empirique. Ça veut dire, je reviendrai peut-être, se libérer du corps, en quelque sorte. Se libérer pour l'homme, c'est s'affranchir des forces physiques aveugles, inintelligentes. Mais il ne peut y arriver qu'en opposant à ces forces une grande puissance intelligente, à l'abri de laquelle il se place. Et cette grande puissance intelligente, à l'abri de laquelle il se place, c'est la société. C'est-à-dire que ce qui permet de résister aux forces de la nature, c'est la force collective, c'est la force du social. Et donc, dans ce cadre-là, pour Durkheim, il n'y a ici aucune contradiction. Cette dépendance, la dépendance de l'homme à la société, cette soumission à la société, elle est libératrice. Mais pour être libératrice, il faut aussi penser sa dimension, j'y reviens dans un instant, on pourrait dire aliénatrice. C'est-à-dire que cette dimension de libération, elle suppose une aliénation. Et d'une façon encore plus claire, c'est un texte que je vous invite à lire, l'hypothèse d'une dualité de nature humaine qu'il développe dans ce texte-là, que j'évoquais tout à l'heure, de 1914, le dualisme de la nature humaine, qu'on retrouve déjà dans les formes élémentaires de la vie religieuse, permet d'éclairer cet argument. Pour Durkheim, la polarité, vous le savez, du sacré et du profane, elle est au principe des grands dualismes de la pensée philosophique, l'âme, le corps, la raison, la sensibilité, etc. Mais pour lui, elle est ancrée dans le réel. Et on pourrait dire que l'opposition du sacré et du profane, chez Durkheim, c'est l'opposition de l'individuel et du social. Alors pourquoi et comment on peut essayer d'expliquer ça? Essayons de déplier l'argument très rapidement. L'homme est double, d'accord? Dualité de nature humaine, homo duplex, au sens où sa vie intérieure, elle a un double centre de gravité. S'exprime donc, on pourrait dire, au cœur de l'homme, une tension. C'est la tension entre, d'un côté, justement, ce qui renvoie au profane, ce qui renvoie au corps, ce qui renvoie à la sensibilité, ce qui renvoie à l'individuel. C'est... Tu peux répéter ? Ouais, donc, homo duplex, la tension, elle s'opère entre deux choses, entre ce qui renvoie au profane, c'est-à-dire au corps, c'est-à-dire à la sensibilité, c'est-à-dire à l'individuel. C'est ce que Durkheim appelle dans ce texte le mobile utilitaire, c'est-à-dire les mobiles d'agir qui sont nécessairement égoïstes puisque leur objet, ce n'est que notre individualité seule. Donc d'un côté, l'homo duplex, il est animé par le mobile utilitaire, mais en même temps, il est animé, habité par l'idéal moral. L'idéal moral est du côté de l'âme. Il est du côté du sacré, de la raison, du social. L'idéal moral, c'est décrit l'ensemble des sentiments, nous dit-il, partout réservés à ce qui est divin, ce qui renvoie non plus à des fins personnelles mais impersonnelles, non plus intéressées mais désintéressées, qui sont synonymes, nous dit-il, d'attachement à autre chose que soi-même. Et cette dualité, elle s'origine d'une double source. D'une part, notre constitution individuelle, le premier aspect, c'est-à-dire notre constitution empirique, c'est-à-dire notre corps et ses états organiques et ses états profanes. Et d'autre part, deuxième source, à côté de la source qui est celle du corps, en quelque sorte, l'autre source, c'est le social, c'est la société. C'est le social, c'est la société, c'est le divin social. Alors cela permet bien sûr à Durkheim de surmonter cette contradiction de l'individu et de la société, et en même temps, elle permet de creuser et d'analyser d'une autre façon, au bout du compte, qu'est-ce que c'est que l'individu, ce dualisme de la nature humaine, et je conclue là-dessus vraiment, on peut en retrouver une analyse dans les formes élémentaires de la vie religieuse, lorsqu'il discute la notion d'âme. Vous avez de multiples passages, mais les passages les plus importants, c'est donc le chapitre 8 du livre 2. Et en discutant de la notion d'âme, il essaye de nous suggérer une opposition qui me paraît la plus essentielle. L'opposition entre individu et personne. Ce qui me conduit à dire que la question de Durkheim, c'est peut-être pas avant tout la question individu et société. C'est comment, au bout du compte, après tout ce chemin, ce qui l'intéresse, c'est de proposer justement une conception dualiste de l'individualité. Et dans cette conception dualiste, je vous ai dit un certain nombre de choses que je reprends et que j'étaye un petit peu. D'abord, il y a l'individu. L'individu, c'est le corps. L'individu, c'est d'abord l'être empirique. Hein, le corps, c'est quelque chose de physique que l'on peut voir. Vous êtes des individus parce que vous êtes des corps. Et ces corps, on pourrait dire que le corps, c'est ce qui nous individualise. Votre corps est le vôtre, il n'est pas le mien. Votre corps, il est situé dans l'espace et dans le temps. D'accord ? Donc, pour Durkheim, on pourrait dire que c'est le corps qui nous individualise. Et à quoi s'oppose l'individu ainsi défini, rapporté justement à l'être empirique, rapporté au corps ? Eh bien, ce qui distingue de l'individu, hein, c'est justement ce qu'il appelle la personne. Et alors que le corps, c'est ce qui nous individualise, eh bien, pour penser la personne, il faut la penser à travers cette affirmation. Si c'est le corps qui nous individualise, c'est la société qui nous personnalise. Si c'est le corps qui nous individualise, c'est la société qui nous personnalise. Et c'est quoi la personne ? La personne, c'est vraiment au sens kantien, c'est-à-dire cet être auquel on attribue une certaine autonomie. Une autonomie par rapport à quoi ? Bah, une autonomie par rapport à la dépendance du facteur organique. Une autonomie au regard de la dépendance vis-à-vis de la nature. Et c'est à travers cette notion de personne, justement, que Durkheim essaye de rendre compte de l'idée de liberté. C'est quoi la liberté chez Durkheim ? C'est fondamentalement la liberté comme extraction, comme affranchissement vis-à-vis du corps. Et donc, le corps nous individualise, mais pour se personnaliser, il faut en quelque sorte se désindividualiser. D'accord ? Si le corps nous individualise pour se personnaliser, être une personne au sens de l'autonomie, eh bien cette personnalisation, elle suppose une désindividualisation. Et donc cette désindividualisation qui nous permet de devenir une personne, elle a pour principe une expérience de dépossession. Mmh. Et cette dépossession, c'est justement cette projection de la société en nous. Ou disons-le comme ça, la société se projette en nous, elle se projette sur nos corps, elle se réfracte sur nos corps, pour nous libérer de nos corps. Excusez-moi, répète, a pour principe... Une expérience de dépossession, d'aliénation. De dépossession. De sa nature strictement individuelle, en quelque sorte. Donc, la liberté, elle s'affirme d'autant plus que nous nous rendons étrangers à nous-mêmes. Ces paradoxes sont intéressants, hein, et que nous suivons un ordre qui n'est pas de nous, qui n'est pas régi par nos intérêts immédiats, etc., qui nous renvoie simplement à notre nature d'individu, de simple corps. Redisons-le d'une autre façon, et là vraiment j'en termine. Le paradoxe, rappelez-vous cette idée que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la société est présente en nous sous la forme de ce qui apparaît comme étant absolument non social. Hein, l'individu. Mais l'individu, il faut le comprendre justement, à travers cette double dimension. Hein, l'individu stricto sensu est justement la personne. D'un côté, c'est simplement la présence à soi, pourrait-on dire, la présence à soi purement empirique, et de l'autre, c'est justement l'individu comme personne qui se définit à travers la présence du social en soi. Et c'est bien cette présence de la société en nous qui renvoie à tout ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire la capacité de libération, la capacité d'émancipation, le fait justement d'avoir prise en quelque sorte sur l'immédiateté de nos besoins, sur l'immédiateté de nos désirs, etc. etc. Hein? La présence de la société en nous, hein, fait que la société, c'est nous. Mais c'est nous, pas simplement comme être empirique, la société c'est nous comme être pensant. Toute la réflexion de Durkheim sur l'origine des concepts, etc., etc. Hein? La société c'est nous en tant qu'être pensant, c'est nous spirituellement, c'est nous également en tant qu'être moraux, dans notre capacité à nous obliger, à nous attacher justement à autre chose qu'à nous-mêmes. Bref, la société, vous le voyez bien, en tant qu'elle constitue la personne, elle nous élève à ce niveau. Et c'est tout le pari de Durkheim, c'est de dire, oui, il y a du biologique, etc., mais le social, c'est accéder à un autre niveau, à un niveau supérieur, en quelque sorte. Hein? Supérieur est différent au niveau biologique, au niveau psychologique. Hein? Et ce niveau, il est supérieur également au sens où il est synonyme de liberté. Je conclue pas. J'arrête là. Voilà. Mais je voulais arriver à ce point-là, j'ai pris un chemin, j'ai pas pris la ligne directe. Mais voilà, ce que ça m'inspirait, c'était justement ces différentes questions-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oh, merci. On a vraiment le temps, on a largement le temps pour poser des questions. Je n'ai plus hier, mais je vous laisse la place. Oui, moi je ne connaissais pas bien Durkheim. Il m'a semblé à la fin que je ne pensais pas que c'était aussi kantien. On a l'impression finalement la source de l'impératif catégorique, c'est la société finalement. Bien sûr. Okay. C'est ça. Mais pas, si vous voulez, c'est qu'ancien avec beaucoup d'historicisation, avec une base matérialiste de cela. La société, c'est pas quelque chose qui plane. La société, c'est des états collectifs. C'est-à-dire qu'il faut faire l'expérience de la société pour ressentir l'obligation morale. Il socialise la raison. Oui, il socialise la raison. C'est vraiment ce texte superbe qu'il écrit avec Mauss sur quelques catégories. Je me rappelle plus comment. Voilà, sur les formes de classification. Hein, il essaye de voir en quoi l'idée dans notre logique, l'idée d'hierarchie ou la notion d'hiérarchie, par exemple, avant d'être logique, elle est sociale. C'est-à-dire que les sociétés hiérarchisent. Hein, c'est au regard de leur façon d'hiérarchiser qu'on peut voir quel type de concept ils déploient, etc. etc. Bon, donc il y a ce fondement-là, mais vous voyez bien, ça veut dire que la société, c'est un plus. Parce que la société, elle sculpte les personnes, en quelque sorte. L'individu comme être empirique, il ne pense pas. D'accord ? Et ce qui vaut pour la connaissance, vaut également, et c'est le plus important pour Durkheim, mais les deux sont liés, hein, vaut également pour la morale. Mais ce que je veux dire par rapport à l'obligation morale, c'est ce que je n'ai pas développé. Je vous ai dit, l'opposition sacrée-profane, c'est en fin de compte l'opposition individuelle-sociale. Au bout du compte, l'opposition individu-société, c'est quoi pour Durkheim ? C'est ce qu'il voit chez les Australiens. Les Australiens, il y a des moments de l'année où ils sont dispersés. D'accord ? Ce sont des individus, ils partent à la chasse. Tac, tac, tac, tac, tac. Et puis à d'autres moments, Mauss reprendra ça dans les variations saisonnières. Hein. Il y a des moments où on est séparés, des moments où on est ensemble. Pardon. Donc ils sont séparés, ils sont des individus. En quelque sorte. Ils sont des êtres empiriques. Et puis, il y a ces moments où ils se retrouvent, où ils font l'expérience de la vie commune. Et là, il se passe un truc assez exceptionnel pour Durkheim. Son idée, c'est quand même ça. C'est-à-dire que lorsqu'on met des individus ensemble, il y a quelque chose du sui generis qui apparaît. Hein, il y a des états collectifs. On se sent plus que soi. Hein, l'idée de s'attacher à autre chose qu'à soi-même, ça suppose une expérience concrète. Ça suppose, d'avoir une relation forte avec la personne qu'on aime, avec ses enfants, avec son église, etc. etc. Hein, ça renvoie à ça. Et dans ces situations-là, qui chez les Australiens sont des moments de fête, de célébration, de rituel, eh bien, on a une expérience, on pourrait dire, phénoménologique du social, du collectif. Le collectif, il vous traverse le cœur, le corps. Hein, il est dans des danses, il est dans des transes, etc., etc. Ça, c'est le social. Hein, et c'est là où, justement, ce qui renvoie au sacré renvoie à l'expérience du social, et ce qui est étranger au sacré, le profane, est ravalé, en quelque sorte, à l'expérience strictement individuelle. Hein, c'est aussi la distinction de l'âme et du corps, hein, ou de la raison et de la sensibilité, pour le dire dans votre sens. Mais c'est là où, lorsqu'il y a ces états collectifs qui se constituent par l'expérience pratique concrète de la vie commune, que ce sentiment de l'obligation peut prendre naissance, c'est-à-dire de s'attacher à autre chose qu'à soi-même. Parce que là, le social apparaît comme une sorte d'épiphanie. Mm-hmm. Le social nous apparaît concrètement, comme dans le don chez Mauss. C'est-à-dire, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc assez étrange. Et le social chez Durkheim, c'est ça. C'est toujours l'idée d'une synthèse. C'est un peu le modèle de... On dit, le social chez Durkheim, c'est la synthèse chimique. Ouais, c'est absurde de le dire comme ça, c'est trop bête. Hein? Mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire, on va mettre deux corps qui sont deux gaz, par exemple, de l'oxygène, de l'hydrogène, ça va faire un liquide. Donc ça veut dire que lorsqu'on met ensemble des parties, hein, le tout qu'elle constitue est un tout dont les propriétés sont propres et distinctes des propriétés des parties. Hein, c'est de gaz qui donne un liquide, si vous voulez. Bon, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire ces individus qui ne sont que des purs corps empiriques, lorsqu'ils se mettent ensemble, une sorte de réaction chimique qui fait que advient sur un mode épiphanique et comme une expérience phénoménologique, ce qui est justement le social, la force du social. Mais on en a tous l'expérience. Hein. On peut la voir là, par exemple, ça dépend de si nous investissons beaucoup dans le séminaire que nous menons, un samedi matin où on est peut-être un petit peu endormi, mais quand même, on sent que ça prend. Hein. C'est le modèle de Demos. Lorsqu'il décrit les moments du don, il a cette formule, hein, c'est les moments fugitifs où la société prend. Hein, un peu comme la mayonnaise, un peu, j'aime bien ces images-là, comme l'île flottante, etc. Il y a un truc qui se cristallise en quelque sorte. Mais on le ressent. Hein, pensez à une cérémonie religieuse, où vous allez dans une manif, etc. Enfin, c'est des expériences qu'on peut avoir. Une soirée réussie entre amis, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le collectif, hein, qui vous saisit, enfin, il vous saisit dans le corps. Quoi. Hein, c'est ça qu'il veut décrire. Il y a quelque chose vraiment de tout l'aspect paradoxal. C'est l'instant fugitif où la société prend, les hommes prennent conscience collective, les uns vis-à-vis des autres. Ouais, enfin, comme ça, on voit le... Il y a les deux aspects. Hein. Il y a à la fois la totalité sociale qui nous apparaît, et en même temps, dans cette épiphanie, il y a la reconnaissance de la nature des relations qui nous lie aux autres. Donc c'est bien le lien social qui est offert sur un plateau, en quelque sorte. Mmh. Et la personnalité. Comment est-ce que la personnification, c'est comme ça que t'as appelé ? La personnalisation, ouais. Personnalisation, ouais. Dans le sens où chacun, du coup, se positionne dans ce moment effervescent du social, ouais. La liberté, enfin, quelque chose de l'existence de chacun. En tant que partie du tout, ouais. Est-ce que là se vit quelque chose de l'ordre du sentiment, mais alors là qui se rapproche du corps, mépris, du corps attaché. On le voit bien dans les rites. Quand on se sent plus fort, on se sent plus fort au sens où on peut sacrifier sa vie. Ces rites aussi passent par le corps, ils peuvent mettre à l'épreuve justement les corps. Hein. On sent qu'il y a une force à laquelle on peut se donner, on peut se dépenser. Hein, pas de la rétention qui renverrait au mobile utilitaire, de l'accumulation, etc. Au contraire, hein, on est dans une logique qui est une logique de la consommation, qui est une logique de la dépense. Mais on dépense à quoi ? À ce collectif, à ce divin social qui est ainsi mis en scène. Votre nom ? C'est Fouad. Moi, j'ai une question, c'est à propos de ce rapport entre sociologie et psychologie. Je crois que j'ai déjà eu cette conversation avec des personnes, mais... Pour la faire courte, j'ai l'impression qu'en faisant ce mariage entre individus et société, on pose la psychologie ou la psychanalyse comme des rustines, des imperfections de la société, en fait. Qu'il y aurait la sociologie qui pense la société et tout ce qui relèverait des pathologies qui sont traitées par la psychanalyse ou la psychologie seraient en fait des imperfections de la société qui auraient une espèce de faillite de la société à ce moment où l'individu en fait serait pris en charge par le psychanalyste. Donc voilà, dès lors qu'on commence à un peu hiérarchiser, où on fait passer la société comme préexistante à l'individu, et qu'en fait la société c'est l'individu et inversement, j'ai l'impression que tout ce qui peut relever des pathologies de l'individu, c'est-à-dire, je ne suis pas psychanalyste, mais ce qui relève des défaillances de la psyché, je ne dis pas comme ça. Mais là, il faudrait, pour aller dans le sens de votre question, il faudrait peut-être déjà rappeler que. Tu l'as dit au début, Durkheim ne fait jamais référence à Freud. On peut dire que Durkheim n'a pas lu Freud. Il est décédé dans quelle année ? 17. Bon, d'ailleurs, Mons y fait référence, mais très ponctuellement, très peu. Donc, j'ai l'idée, moi, que autant Durkheim que Mons, à chaque fois qu'ils font référence à une psychologie, ce n'est pas du tout la psychanalyse. C'est-à-dire que c'est ce qui a pu avancer la psychanalyse sur les liens sociaux à partir de Freud, ça ne rentre pas dans la compte, dans la réflexion déjà durkheimienne, et pas non plus moncienne. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils lisent la psychologie ou qu'ils pensent à certaines possibilités d'établir des relations avec la science qui étudierait la dimension psychique, la psychanalyse ne rentre pas là-dedans. Hein? Donc, parce que là, ça me permet peut-être d'avancer l'une de mes questions, je me disais à plusieurs reprises pendant que je t'écoutais que je me disais, et comment ça s'est fait qu'on ne peut pas s'y comprendre après, après un tel discours? Je veux dire, si on prend au sérieux Durkheim et ses tensions qui se complexifient, si j'étais bien suivi, tout au long de sa pensée, on pourrait vraiment se comprendre et discuter et beaucoup mieux, et c'est ce qu'on les fait. Et pourtant, on ne les fait pas. Alors, je ne sais pas, est-ce que je te pose la question comme ça, très ouverte. Hein. Est-ce que toi, tu as décidé là-dessus, sur ces manques de rencontres, difficultés au dialogue qui existent jusqu'à aujourd'hui entre psychanalystes, sociologues, anthropologues? C'est peut-être pas sans lien avec votre question. Oui. C'est-à-dire oui. que l'usage, ou un certain usage, du moins l'usage critique de la psychanalyse, s'est fait un peu en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va la mobiliser pour essayer, avec ses outils, de comprendre des pathologies sociales, ou les pathologies de l'aliénation, etc. etc. C'était quand même le cœur de ce que la théorie critique a fait dans son usage de la psychanalyse. Peut-être le plus mauvais usage qu'on puisse en faire. Donc ça renvoie à votre question de la Russie. C'est une sorte d'usage déjà thérapeutique en quelque sorte. C'est pas d'usage heuristique. Hein. Je crois qu'il y a cet aspect-là. Avec aussi dans l'échec par exemple, Chabermas dans Connaissance et intérêt, il essaye de fonder l'idée même de sciences sociales sur la dimension d'émancipation portée par la psychanalyse. Qui? Habermas. Connaissance et intérêt, c'est vraiment le moment où il essaye de le construire dans ces catégories-là. Et puis, bon, il faudrait voir dans le détail, il échoue à le faire. Hein, il échoue à le faire parce que ça repose encore sur une philosophie du sujet, et après il va l'abandonner dans le cadre d'une philosophie de la communication, etc. etc. Donc, moi, il me semble que, voilà, cette reprise, on pourrait dire, intéressée de la psychanalyse comme un outil d'émancipation. Mmh. Voilà. Et ça rentre pas dans les catégories aussi parce qu'on ne fait pas le travail d'analyse de la valeur heuristique de la psychanalyse en tant que telle, comme théorie de la psyché et éventuellement comme théorie de la société. Et en disant ça, je vais en dire un peu plus parce que l'autre chose aussi, mais qui est liée au modèle sociologique eux-mêmes, dans la mesure justement où, à la différence de Durkheim, ils maintiennent une certaine distinction entre individu et société, c'est d'avoir absorbé la psychanalyse dans le cadre d'une théorie, on va dire, de l'intériorisation. Hein, l'intériorisation du social, la socialisation comme intériorisation, dans les modèles culturalistes, fonctionnalistes, etc. etc., etc. Donc, ça permet de dire, oui, il y a des choses inconscientes, donc on n'est plus dans le modèle d'un acteur rationnel, type modèle économique, etc. Type conception naïve du sujet souverain. Donc voilà, il y a des choses intériorisées, une sorte de grand bazar, des systèmes symboliques, des cultures, des habitudes, des trucs, des machins. Et voilà, on a rempli en quelque sorte la tête de choses sur lesquelles on n'a pas prise. Et puis le sociologue se met dans cette posture très très confortable, et bien plus confortable que celle du psychanalyste qui passe quand même beaucoup plus de temps, de pouvoir prétendre savoir ce qui fait agir dès lors que l'on considère que le social c'est avant tout quelque chose d'intériorisé. Chez Durkheim, le social c'est pas avant tout quelque chose d'intériorisé. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire, le social c'est quelque chose qui apparaît, qui se touche, qui se ressent, qui se vit. D'accord. Alors bien sûr, la personnalité, la société, c'est ce qui nous personnalise. Elle nous personnalise sans qu'on s'en rende compte, évidemment. Donc c'est bien une sorte de processus inconscient qui nous personnalise, qui nous font être la personne que l'on est, au-delà de l'être empirique, du corps que nous sommes. Mais et c'est pour ça que je trouve que, en fait, la proximité avec la psychanalyste me paraît la plus proche, c'est ici. C'est-à-dire qu'il y a bien un processus inconscient qui nous permet d'être les personnes que nous sommes, hein, puisque s'ils avaient de la société, c'est pas soi-même le matin qui décidons, etc., de dire, voilà, je vais être cette personne-là, etc., je vais faire mon portrait robot, et puis je vais apprendre mon rôle, et je vais être ce rôle-là. Quoi. Évidemment, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Mais l'idée, c'est que si le processus est inconscient, mais n'est pas simplement une intériorisation, son but, c'est de pouvoir accéder à la libération, à la conscience. c'est-à-dire à des formes un peu bancales, mais quand même à des formes d'autonomie par rapport à, oui, par rapport à des symptômes. Alors on pourrait dire chez Durkheim, oui, ce qui est terrible, c'est que c'est ce rapport au corps, c'est-à-dire que la liberté, elle se gagne contre le corps. Tu dis qu'elle est vue de la psychanalyse, c'est arrivé à la... C'est au moins la perspective d'une certaine émancipation d'eux, ou de libération d'eux. Mais ça, c'est pas la conscience. Non, c'est pas la conscience, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est ce jeu entre des processus sur lesquels on n'a pas de maîtrise pour accéder à un état où on aurait un peu plus de maîtrise, en quelque sorte. C'est le lien que je veux faire. Je n'en perdrai pas conscience, bien sûr, dans le deuxième Attends, cas. Attends, mais qui cherche ça, selon toi? Ce qui m'intéresse ici, ce que j'essaie de mettre en parallèle, c'est la démarche de Durkheim, pour qui c'est la société qui nous personnalise, c'est un processus en grande partie inconscient, qui pour lui, et lui il accorde le terme, puisque... Oui. Il est dans une configuration intellectuelle où la conscience morale est fondamentale, qui permet d'accéder à une certaine conscience. Mm-hmm. Donc notre conscience, d'un point de vue cognitif, moral, etc., nous la devons à la société. Elle n'est pas là dans notre corps, etc., etc. Elle n'est pas là dans nos mobiles utilitaires, dans nos besoins immédiats. Elle vient ailleurs, parce que cette conscience, elle ouvre à l'idéal social, c'est pas simplement quelque chose de replié sur soi. Bon, mais elle est libératrice chez Durkheim. Mon parallèle, c'est... mais parce que je m'autorise à dire comment je pourrais concevoir le travail de la psychanalyse, que je connais mal, comme tu sais. C'est de considérer effectivement que ça vaut le coup d'aller explorer dans l'inconscient pour permettre au sujet, non pas d'accéder à la conscience, au sens... ici que je l'évoquais chez Durkheim, mais accéder au moins à une certaine forme de maîtrise. Hein. La question étant de savoir, pour Durkheim, la dimension, cette dimension de maîtrise ou de libération, elle s'opère contre le corps. C'est la question que je retourne en quelque sorte. Dans la psychanalyse, elle ne s'opère pas contre le corps. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. C'est un peu ça la question que je voudrais vous retourner de ce point de vue-là. Mais en même temps, je crois que dans le parcours, il y a quelque chose qui me paraît relativement comparable. Voilà, c'est comme ça que j'y répondrai. Il y aurait d'autres choses à dire, mais bon, il faut qu'on puisse discuter tous ensemble. Ouais. Pour réagir sur par rapport à ces termes, au terme inconscient, est-ce qu'il y a un point d'écart, disons? Moi, j'aurais tendance à dire qu'en sociologie, on parle de non, et en anthropologie, on parle pas d'inconscient, on parle de non-conscience. Mm-hmm. Et que là, il y a un point qui est très différent, qui va revenir en fait à une question que j'ai notée en t'écoutant, et sur la question de l'attachement. D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait? Quel est le mécanisme non donné de fait, mm-hmm. c'est-à-dire à expliquer, qui fait qu'il y a coercition, puisque le social s'impose aux consciences individuelles, puisqu'il y a quelque chose, voilà, un phénomène social est cause d'un autre phénomène social, toute cette logique. Et voilà, d'où vient l'efficacité, disons, de la coercition. Et effectivement, par rapport à cette idée de conscient-inconscient, il me semble que se passe quelque chose en psychanalyse. C'est la jonction corps-langage. Et qu'il y a ici, dans ce que tu viens de pointer à l'instant sur une approche finalement assez différente du corps, dans la mesure où le corps, dans la psychanalyse, la perte, à un moment tu nous as parlé de... des possessions, la perte se fait au niveau d'un certain sentiment finalement perdu, donc à jamais, qui peut-être n'a jamais existé, mais l'entrée dans le langage, c'est peut-être là où il y a quelque chose qui est radicalement différent entre les deux disciplines. Mm-hmm. C'est que en sociologie, le nourrisson n'est pas questionné. L'infance n'entre pas tellement en ligne de compte, et donc l'entrée dans le monde signifiant comme perte, non-adéquation à soi-même, donc non plus individu mais divisé, Et puis apporte autre chose en sociologie. On a beaucoup de mal quand on est en entretien. On est forcé de croire ce que nous disent les gens et forcé de croire leur explication de ce qu'ils nous disent, alors qu'on sait très souvent qu'on arrive parfois à des bonnes, à des choses voulues par un raté. Donc tous les effets de ratage dus à l'inconscient, mais pas au non-conscient, qui serait quelque chose qui nous dépasse et qui est coercitif. Voilà, c'est à ce niveau-là, si je pouvais te relancer sur cette... Ouais, mais c'est des questions un peu gigantesques. Hein. Ce que tu dis sur... en sciences sociales, on ne va pas dire conscient-inconscient, mais conscient et non-conscient... Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Dans le texte dont je vous ai parlé, la représentation individuelle et représentation collective, qui date de 1898, hein, faut le mettre dans le contexte, notamment vis-à-vis bien sûr de la psychanalyse, le terme de inconscient, lorsqu'il parle de représentation inconsciente ou de jugement inconscient, c'est effectivement l'idée de non-conscience. Oui. Hein, donc c'est un terme privatif. En tous les cas, ça n'ouvre pas un espace à explorer qui serait l'inconscience. Mais ça, c'est l'évidence. Mais ça reste... donc Durkheim, tu le situes, date... Quelle année alors ? 1898. Mais ça vaut pour Lévi-Strauss. Bien sûr. Pour venir beaucoup plus proche de chez nous. Mm-hmm. Parce que Lévi-Strauss parle d'inconscient et lui, il en parle. Bien sûr. Et il le met au cœur de sa théorie. Les règles... C'est strict, ça veut dire... Ça veut dire non conscient. Positif. Ça veut dire pas plus que ça, chez Lévi-Strauss. Caché. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Moi, je pense que c'est absolument central pour arriver à déterminer la limite dont je parlais dans ma petite introduction. Et la question que je me pose en permanence, dès que je lis un travail écrit par un sociologue ou anthropologue, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça veut dire, comment ils font les entretiens avec ces fameux informants? Ça veut dire qu'ils sont, poussés à leur croire. Excusez-moi, je voudrais terminer. Et c'est une discussion que j'ai déjà eu avec des Mossiens, notamment au colloque de Cerici, un colloque de Cerici, Moss vivant en 2008, avec tous les spécialistes des Moss présents. C'est une discussion que nous avons eue là. Et parce que moi je trouve, de mon point de vue, enfin, du point de vue de la psychanalyse, je trouve qu'ils tournent en rond, l'émotion. Ils tournent en rond, et il y a des travaux qui sont d'une honnêteté intellectuelle énorme, comme ceux de Jacques Godbout, et qui les dit pratiquement. Il dit qu'à un moment donné, pour arriver à préciser, et bon, est-ce qu'il y a un don ou il n'y a pas un don? Et ils sont obligés à leur poser la question aux individus qu'ils s'interrogent, parce qu'ils s'interrogent des individus, des personnes, n'est-ce pas? Et quelle était votre motivation? Parce que s'ils restent sur la surface de ce qui se passe, hein, on voit qu'il y a des objets qui passent de la main de quelqu'un à la main de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il y a un don. N'est-ce pas? Alors, pour pouvoir trancher et dire il y a un don, il n'y a pas un don, qu'est-ce qu'il faut? Il leur demande quelle est votre motivation? Et donc, si tu veux, moi c'est ce que je trouve, peut-être que je me trompe, c'est pour cela que je viens inviter les sociologues pour leur poser la question. Peut-être que je suis complètement... Ça veut dire que c'est une lecture de Moss complètement erronée. Hein. Enfin, Moss ne dirait pas ça, je suis d'accord avec vous. Tout. Bien sûr. Mais les Mossiens font ça. Ouais. C'est la même question que je me pose, parce que je viens de dire, on suive la présentation de Philippe qui vient de faire sur Durkheim, et Durkheim pourrait parfaitement discuter avec Lacan. Mais pourquoi pas les sociologues contemporains alors ? Ça fait, je sais pas, au moins 50 ans que la psychanalyse essaye de se rapprocher de la psychanalyse, de l'anthropologie, la sociologie, etc. C'est plutôt d'ailleurs dans ces sens-là que se passe. Hein. Il a très, enfin, oui, il a eu il y a une dizaine d'années, peut-être une quinzaine, les anthropologues, ils ont toujours essayé de faire. Voilà, des colloques avec les psychanalystes. Il a le fameux Jules Guérat qui a fait toute une psychanalyse appliquée pour moi, qui perd absolument tout intérêt. Et il y a beaucoup d'anthropologues et des psychanalystes, d'ailleurs, il y a de la Pradelle, c'est ça bon. De la Tour. Bref, de la Tour, c'est ça Marie, bref. En tout cas, pour moi, c'est systématiquement ou de la psychanalyse appliquée ou de l'anthropologie appliquée. C'est vraiment ça l'éternel problème. Et je trouve que ce qui m'intéressait surtout dans la très brillante exposé, hein, parce que franchement, tu nous as fait tout un, d'une manière très élégante, parce que ça ne paraît pas laborieux tout ce que tu as fait, alors que c'est quand même engrochuter tout l'appareil crânien pour nous le réduire d'une manière simple, pour dire l'essentiel en fait. Mais je suis assez d'accord avec la première intervention, la première question. Bah, je pense qu'il y a un problème philosophique de fond au fond. Et je pense que le grand problème, c'est lâcher cette tradition philosophique qui empêche justement d'entrer en psychanalyse. Parce que pour moi, la vraie révolution freudienne, c'est de nous avoir sortis de la philosophie. Et le reproche que je trouve à Lacan, c'est d'avoir resté trop dans la subjectivité kantienne, en fait. Et c'est ça, pour moi, le grand drame des lacaniens, c'est qu'il reste philosophe, en fait. Et le vrai problème, c'est comment faire corps, pas sortir du corps, pas être dans la déposition. Mais pour moi, la psychanalyse, c'est Freud le premier, qui d'ailleurs est né la même année que Durkheim, et qu'il est presque mort, non, un peu plus tard. Après, mais ils se sont suivis en parallèle, cherchant la même chose, au fond. Pour moi, c'est vraiment assez touchant. Par contre, apparemment, il ne trouve pas grâce à ses yeux Freud, Durkheim. Par contre, moi, ça l'interpelle. Il les cite à tomber des tabous. Et de manière à vraiment. Il a lu, ça l'a intéressé. Et il n'est pas dans les structures. C'est ça qui m'intéresse chez Freud et les liens avec Mons. C'est que, contrairement à Lévi-Strauss et Lacan, ils ne sont pas dans la recherche de structures élémentaires. Et il y a quelque chose de l'ordre de la phénoménologie. D'ailleurs, le grand espoir des philosophes c'est que, et des psychanalystes, d'ailleurs, c'est que Merleau-Ponty nous aide à sortir, enfin, de la philosophie. Et puis, on ne touche rien, au fond. Et je pense que ce qui nous a empêché longtemps, d'ailleurs, qui n'était pas lacanien en France, enfin, comme si la psychanalyse était nécessairement lacanienne, non ? Et je pense que c'est ça les grands problèmes de la philosophie et de la psychanalyse. Et c'est, parce que bon, on peut résumer d'une manière très brute, des profonderies, de dire, bon, on retrouve là tout la castration, la symbolisation, ça y est, voilà, enfin, on peut tout à fait faire des raccourcis, du style, effectivement, d'ailleurs, Jules Guérat, il a un peu fait ça, ça veut dire, ce qui nous sort de la sociologie, c'est la symbolisation, en fait, c'est ce qui cherche un peu le pont qu'on pourrait dire entre Durkheim et la psychanalyse, c'est la théorie de la symbolisation, de la castration et la symbolisation, la déposition, la castration, le reste, le manque, tout ce que tu veux. Mais l'essence justement de Durkheim, c'était, de Mons, pardon, parce que là, il a un hiatus, d'ailleurs, Durkheim, il dit bien, c'est duel. Comme toute la philosophie, quoi. Le corps, l'âme, bon, on ne sort pas de là, quoi. Et la question pour moi, c'est quand est-ce qu'on va lâcher la théorie de la subjectivation ? Parce que c'est, à mon avis, hein, les grandes avancées de la psychanalyse, parce qu'il ne faut pas oublier, Freud, heureusement, n'était pas philosophe pour un sou, n'était même pas psychiatre, était neurologue. Et c'est par ces biais-là qu'il a essayé d'entrer dans quelque chose d'extrêmement subtil, c'est, bon, l'esquisse, c'est justement ta question, d'où vient l'attachement, en fait ? Parce que l'esquisse, c'est vraiment ça, hein. C'est, et pour nous sortir de tous les impératifs, les comportementalistes, la théorie de l'attachement d'ailleurs, Freud a essayé de creuser qu'est-ce que c'est l'attachement dans l'esquisse, donc avant tout, et il revient à la fin, parce que toute sa vie, il n'a jamais lâché ni la neurotica, ni la neurologie, ni la théorie de l'attachement. Avec tout cet appareil, même à travers Moïse, ce qu'il cherche, c'est ça. Pourquoi la figure de Dionysos, enfin, le corps, hein, les corps. Pourquoi il doit souffrir, Dionysos? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il meure? Enfin, pourquoi, bon, comme s'il revient systématiquement à ses corps psychiques. En fait, quand il parle du corps, hein, Freud, c'est d'emblée. Mais alors, la théorie des pulsions, je trouve que c'est mais, la meilleure chose, que l'apport fondamental qui a fait vraiment une je sais pas comment, bien on aurait dit, comment on appelle ça, la révolution catastrophique, quoi. Enfin, c'est la vraie catastrophe pour la philosophie, c'est la théorie des pulsions de Freud. Je ne sais pas si je vais les entendre. Non, non, non. Je voudrais. Je travaille ça depuis des années. Non, juste, il y a deux, trois éléments sur lesquels je dois répondre, et puis, mais je ne réponds pas à tout, évidemment. Et puis, il faut vraiment que la parole circule comme ça, donc je pense que c'est plus sympa. Bon, la question des sources de l'attachement, je trouve que c'est la seule question intéressante en sciences sociales en général. C'est la seule chose qui m'intéresse. Donc, voilà, c'est là où si on prend les choses ici, on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait s'appeler les sciences humaines et sociales, qui aurait une question. Et la question, c'est la question de l'attachement. Et attachement avec le caractère ambivalent de l'attachement. Voilà. Oui, et puis, ambivalent, bien sûr, parce que la théorie des pulsions, c'est les deux pulsions. Enfin, ouais. L'ambivalent, ça veut dire. Je te veux à mort. Voilà. Je t'aime à mort. Moi, c'est ça que j'essaie de mettre en scène. Je veux dire, quand même, on le trouve de la même façon, et là, je ne surinterprète pas. C'est comme ça. Et après la réponse de Durkheim aux sources de l'attachement, dans ce que je vous ai dit à partir du suicide, il y a des éléments. Voilà. Après, il faut retravailler, parce qu'il y a des couches différentes. Il y a aussi toute la rhétorique de la sympathie. C'est ça que... Moi, j'ai lu un peu Durkheim comme un théoricien des sentiments moraux. Voilà, mais il est conscient en même temps, donc c'est plus compliqué. Et puis aussi, on peut le lire comme un phénoménologue. Moi, c'est pour ça que je le mocise un peu, c'est-à-dire que le social, il y a une expérience du social, quoi. Et ça, moi, j'en suis complètement convaincu. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de la subjectivité là-dedans? De la question de la subjectivité. Parce qu'en fait, la sociologie, on peut opposer, enfin, en gros, d'une manière un peu bateau. En général, on dit la sociologie comme opposée à la subjectivité. Comme opposée à la subjectivité, comme si les psychologues, les psychanalystes devaient traiter de la subjectivité plus qu'individu et société, subjectivité, sociologie, sociale. Hein? Et je trouve que les philosophes, ils nous ont laissé un truc, et d'ailleurs. Ce que je reproche un peu les Lacaniens, c'est la théorie du sujet, ça nous empêche de penser. Quoi. Ah non. Alors là, c'est là justement où je voulais introduire une nuance. Ou alors, ça ne sert qu'à penser. Non, alors je voudrais introduire une nuance. Alors, vas-y, justement, vas-y, vas-y. Parce que justement, la théorie du sujet de Lacan, étant donné qu'il la pose sur un ternaire symbolique, réel, imaginaire, c'est ça qui permet. Et qui, je pense, Durkheim aurait aimé. Parce que si je suis Philippe. Non, mais oui, bien sûr. Permettez-moi, si je suis Philippe, et il est vrai, il est certain, que Durkheim, c'est ce qu'il a voulu, tu as dit ça à plusieurs reprises, c'était de dépasser l'opposition individu-société, et bien les voilà un outil épistémologique majeur, qui est la trilogie symbolique, imaginaire, réel de Lacan, que c'est ça la théorie sociale de Lacan, qu'on a du mal, les Lacaniens, à être un peu plus pédagogiques, et à transmettre ça, et faire entendre ça à nos collègues voisins, oui. Je suis la première à l'avouer, mais qu'il y a là un outil épistémologique majeur, c'est parce que j'y crois fort que j'ai créé ces dispositifs à des pattes pour faire travailler ces machins, vous voyez. Mais c'est là le point d'avancée. Et nous avons du mal, oui, à le faire entendre, à créer les ponts de passage les plus efficaces. Oui, ça c'est à construire, je pense. Mais là, il faut la rhétorique, je crois. C'est-à-dire. Et c'est-à-dire, moi, je pensais justement à ce que vous parliez des anthropologues et croire aux entretiens, par exemple. Mm-hmm. Parce qu'on est censé de croire à tout ce qu'ils disent. Mm-hmm. Et ça m'a fait penser justement à un documentaire que j'ai vu cette semaine de Pier Paolo Pasolini, qui s'appelle Enquête sur la sexualité. Et là, il fait un voyage en toute l'Italie et il pose des questions aux gens sur la sexualité. Un sujet qui n'est pas n'importe quel sujet du tout. Mm-hmm. Et bien sûr, tous les gens disaient « Non, mais la sexualité, ça va très bien. Moi, je me sens une personne très libre, etc. » Et donc là, au milieu, il se demande, il dit « Mais peut-être que mon documentaire, il sera échoué parce que je ne sais pas si je dois croire à tout ce que les gens disent. » Il continue et il pose des questions un peu moins intimes. Qu'est-ce que vous pensez de la divorce, etc. Et là, à la fin, il dit, bon, peut-être l'Italie que j'ai connue avec mon documentaire, ce sont les gens qui ont parlé, mais surtout les gens qui n'ont pas parlé. Et qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est finalement, en quelque sorte, le non-dit, ou le savoir non su. Et là, pour le Pasolini, et c'est le point le plus important, il n'était pas sociologue, il était poète. Et c'est pour ça que je parlais de la rhétorique, justement, comme le moyen, peut-être. Non, mais la rhétorique, dans ce cas, c'est dans la restitution d'un discours. Où tu la places, la rhétorique? Qui est rhéteur dans l'affaire? C'est celui qui interroge, c'est la personne qui parle, c'est la restitution de ce qui a été dit? Que si tu dis qu'un poète peut toucher, enfin, ce à quoi un poète peut parvenir, à la différence d'un sociologue qui arriverait comme ça, la caricature de Carina, le sociologue il arrive. Bon, c'est quoi votre motivation première? Évidemment, heureusement qu'un sociologue ne fonctionne pas comme ça. Ouais. C'est un sociologue, bien sûr, qu'il va interroger les personnes parce que il s'agit pas de prendre pour argent comptant ce qu'elles disent, mais en même temps, ce qu'elles croient sur ce qu'elles font participe de ce qu'elles font. Donc déjà, ça a du sens, ça a de l'effet, si tu veux. Et puis, comme on est aussi des êtres de langage, semble-t-il, ça a du sens de s'intéresser à ce qui est énoncé. Mais un sociologue, il interroge des gens, il observe, il voit des formes se dessiner, etc. Moi, sur le don, je ne le vois pas avant tout comme mettant en jeu des intentions ou des motivations. Les motivations, elles s'inscrivent toujours dans des cadres, dans des configurations, et c'est comme ça qu'on peut les voir. Il y a un peu une dimension béhavioriste pour moi dans les sciences sociales. Lorsque j'évoquais le social comme une épiphanie, comme une apparition, c'est quelque chose qu'on voit. Les relations humaines, elles prennent certaines formes, elles sont symétriques, elles sont asymétriques, etc., etc. Il y a des choses qui circulent dans un sens, dans un autre sens. Ça, on peut le décrire. C'est aussi un certain apport du structuralisme pour ça. Oui. On peut dire forme, pas structure. On peut s'arrêter un peu en chemin, et moi, ça me convient mieux. Et après, les intentions. Les intentions, on ne va pas les chercher au cœur des gens. Les intentions, elles sont publiques. C'est-à-dire que, quelles sont les intentions manifestées, rendues perceptibles aux autres? Et comment les autres réagissent par rapport aux intentions qui sont manifestées? Dans l'essai sur le don, Mauss, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, voilà. Est-ce que le type généreux, il est vraiment généreux? Peu importe. Il manifeste de la générosité. Et cette manifestation publique de générosité, donc, qui est symbolisée dans l'objet donné, et lorsqu'on fait des cadeaux, etc., des cadeaux d'amoureux, etc., etc., l'objet lui-même, il symbolise la relation elle-même, donc il symbolise l'intention. Je pense que une façon de sortir aussi d'une certaine philosophie, c'est de considérer que les intentions sont publiques. Et que C'est une théorie expressive, plus que intentionnaliste, classique, avec d'un côté. Bon, voilà. Et donc ça suppose d'aller interroger les gens, parce qu'on ne les prend pas aussi pour des idiots. Et puis ensuite, de voir quelles sont les intentions qui sont rendues publiques dans les relations et comment les uns et les autres y réagissent. Et quelle forme ça construit. C'est ce que voulait le structuralisme, en fait. D'arriver. Oui, mais ça ne se voyait pas. Tout à fait. Exactement. C'était une opération de l'esprit, ça ne se voyait oui, pas. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour dire qu'ils ne sont pas dans la subjectivité ou l'intentionnalité des gens ou l'émotion. Ils cherchent justement, enfin, Mauss, je trouve que c'est est encore plus pathétique dans cette recherche parce qu'il a quelque chose qui l'échappe. Enfin, c'est de l'ordre de la phénoménologie, à la limite. Hein, parce qu'il est moins dans. Il voulait même. C'est assez touchant. Enfin, même la façon de marcher, à travers la façon de marcher d'un Marocain avec je ne sais pas quoi, il essayait de voir les structures sociales là-dedans. Enfin, c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, à travers les plus intimes, presque sensorielles de l'atmosphère d'un individu, essayer de trouver les structures sociales qui viennent. Ouais, mais c'est pas les structures qu'il cherchait, c'était la totalité. Elle est là. C'est comme le diable. La totalité, c'est comme le diable. Elle est dans le détail. Moi, ça me pose aucun problème. Non, mais c'est que Mossier est la mort, alors, parce que vraiment, c'est ça. Il cherche. Oui, dans la marge, dans la nage. Dans les détails, dans la façon comme il prend le thé, il voulait à travers ça comprendre la société. Oui, mais justement, derrière la notion de totalité, qui est centrale chez Mauss, on peut revenir à la question des romans à laquelle tu n'as pas répondu du tout. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose parce que je remets ma casquette d'anthropologue et je sais bien que et j'ai en caricature là. Faut faire comme on se passe un entretien, c'est autre chose que de croire à ce qu'on vous dit. Justement, on croit qu'on va faire arriver à se faire dire. Non pas à être dit, quelque chose qui ne se dit pas quand même. Il y a quelque chose de beaucoup plus complexe dans l'entretien un rapport avec l'autre. Notamment, je pensais quelque chose qui, je vais me le laisser, même pour moi, je viens d'y penser de côté, comme ça, c'est la question de la répétition à travers les entretiens. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est aussi bien au sein d'un même entretien que entre différents entretiens, voir ce qui se répète, voir même ce qui se répète sans se dire égal, c'est-à-dire ce qui se répète dans la différence. Et on a toutes des méthodes de recouper, des méthodes évidemment d'interprétation. Voilà, juste pour dire, je fais aussi attention à ce que je dis moi-même sur les techniques d'entretien. Et cette question de la répétition me semble un peu commune parce que se pose la question du sens à travers la question de la répétition. Et du coup, ici, est-ce que c'est vraiment une question que je pense maintenant, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi encore un pont là, ce qui se répète? Oui, mais se marque, en fait. C'est bien, c'est ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil et fin, la question de l'entretien anthropologique et sociologique. Bien sûr que j'ai réuni, si tu veux, dans mon propos, une question, disons, de pratique d'entretien avec une notion beaucoup plus abstraite et théorique que je trouve présente dans la théorisation de beaucoup de Mossiens. J'ai cité Jacques Godbout. Mais c'est ce qui a introduit tout à l'heure Christophe, est tout à fait important, parce que. Et les silences. C'est-à-dire que si tu prends en compte ça, c'est-à-dire ce dont on ne parle pas, ça complique énormément. Ce n'est pas que j'ai caricaturisé pour suggérer que vous ne prenez pas au sérieux les personnes que vous interviewez, pas du tout ça. Bien sûr que vous les prenez peut-être trop au sérieux. Donc, vous restez dans, tu as dit, on prend en compte c'est ce qu'ils énoncent parce qu'il paraît que nous sommes des êtres parlants. Et, oui, mais justement, quelle est la théorie du langage que nous avons? C'est ce qu'a dit tout à l'heure Romain, je trouve ça absolument central. Et c'est ça qui a Lacan à travailler énormément. Tout son enseignement, c'est pour affiner ça. Donc, il y a une théorie de langage complètement différente. Parce que l'exemple qu'il nous donne Christophe nous démontre bien qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va surtout pas en parler. Surtout pas en parler. La question de. Parce que tu introduisais à travers du silence aussi, pas la question de la poésie, en fait, la question de l'art, au fond. Hein. Enfin, Fédida, il a voulu aussi voilà, creuser un peu, revenir à la phénoménologie comme un lien avec la psychanalyse, au fond. Hein. Enfin, parce que ce n'est pas de la rhétorique. Parce que la rhétorique, c'est vrai, c'est rhétor. Hein. Enfin, en fait, bon, ce que Lacan aurait dit, enfin, les Lacaniens, plutôt le trou, hein, le manque, parce que la poésie, il vient donner le contour, en fait, hein, et il y a quelque chose qui s'est produit, en fait. Hein, quand tu lis la poésie, ou quand tu écoutes, voilà, c'est une expérience, il t'envoie quelque chose d'autre, va au-delà du langage. Et tous les problèmes. Est-ce que l'inconscient se situe là comme les lapsus, hein, la poésie, les lapsus, voilà, quelque chose qui fait trou à quelque chose d'autre, en fait, mm-hmm. que nous, les psychanalystes, appelons inconscient. Bon. Alors, le lien avec. Bon, parce que moi, je suis entrée en psychanalyste par l'anthropologie, en fait, hein, par l'inconscient de Roas, d'ailleurs. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'inconscient? De quoi en parle-t-on en France? Quand on arrive, tout le monde parle de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? Et comme je venais, en fait, de tradition un peu culturaliste, donc pour moi, mon chouchou, c'était Roas, hein, qui est mort, d'ailleurs, dans les bras de Lévi-Strauss. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je cherchais, et voilà, la mort dans les bras en disant bon, c'est toi qui continue, et bon, d'accord, je vais aller voir Lévi-Strauss, puisqu'il est mort, bon, passe dans ses bras. Bon, bref. Donc, la question de l'inconscient, effectivement, on revient à toujours cette question. Bon, pour moi, c'est évident qu'il est social, mais alors d'une évidence. Mais c'est, alors, le problème, c'est comment le formuler, comment l'argumenter, puisque de toute façon, bon, en fait, par Boas et par le culturalisme et par la culture en général, enfin, au fond, je me rendais compte que c'est de l'inconscient psychanalytique que j'entendais à travers les rituels, les mythes, les machins. Je me disais, mais c'est vraiment de la même chose, quoi. Mais comment c'est l'argument pour. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, les structuralismes, voilà. Et je me suis rendu compte, au fond, que ce que j'ai cherché, enfin voilà, les autres aussi, Boas et Lévi-Strauss, ils cherchaient la même chose, au fond. Je pense, hein. C'est saisir. Qu'est-ce que c'est la culture, au fond, hein. Enfin, qu'est-ce que c'est. Voilà, enfin, c'est marocain qui te sert l'été et tu sens d'emblée que c'est une autre culture, quoi. Rien que la façon, même pas parler, quoi. Donc, c'est du social, c'est de l'individu, mais c'est avant tout quelque chose de l'inconscient qui parle, qui même pas parle. C'est un peu comme la poésie, au fond. Pourquoi c'est universel, un mythe ou un. Parce qu'il y a quelque chose de l'inconscient qui nous parle, je ne sais même pas, parce que, il y a quelque chose de la conscience qui se manifeste, voilà, qui se manifeste, et qu'on sait que c'est de ça dont on parle, de ça dont on parle. Bon, on va on va arrêter là, et c'est l'heure. Juste, je voulais vous dire que la prochaine fois, donc notre prochaine réunion, c'est le 1er mars, avec Stéphane Avert, qui est professeur de philosophie ici même, à Nanterre, et qui a publié chez les bords de l'eau, dans la collection que je dirige, un livre passionnant qui s'appelle Freud sociologue. Donc je pense que si quelques-uns d'entre vous veulent venir et lire les livres préalables, ça sera beaucoup plus profitable pour tous. On a le temps aussi. Hein? On a le temps parce que c'est le 1er mars. Hein? Ça se lit très vite, c'est très bien écrit. Enfin, non, c'est pas vite. C'est pas long, c'est passionnant. C'est passionnant. Je vous recommande ce livre. Merci beaucoup. Hein? Merci. Les bords de l'eau. Merci à vous. Merci. Bravo. Et du coup, est-ce que vous avez coupé en fait. Vous avez laissé votre. Oui, tout à fait.